Est-ce Il y a une que tu image en tout cas. m'entends? Eh oh! Est-ce que tu me sens? Tu Eh oh! m'entends? Est-ce que tu... Après, je sais pas c'est quoi. Oh, oh, ouais, oh, ouais, oh. Ah, et Laurent, c'est qui chante ça? Oh là là, fouf. Laurent, si tu connais pas, Purée. je quitte tout de suite. Non mais c'est à la mode en plus. Mais c'est vieux, c'est vieux. Vieux, bah oui, c'est vieux. Très vieux. Bon alors, tu sais pas ce que c'est? Et franchement, les auditeurs, s'ils savaient, Ah ils non, savaient j'ai pas ce que c'est. oublié. C'était pas deux, hein. J'ai connu, mais j'ai oublié. Mais il chante plus, c'est fini ça. Ah bah non, c'est fini. C'est qui Bah alors, ouais. Cédric? Tragédie? Bah oui, c'est Tragédie, mec. Ah là la vache. Tragédie! Toute ma jeunesse, là, je Mec, les ai vus en poste, Tragédie. je les ai vus. Ah ouais, c'est bien? À l'époque? Ah ouais, à l'époque. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Marvelicious, épisode 6, le deuxième que l'on consacre à Moon Knight. Alors, ce sera en trois parties. Donc, la première partie qui a eu lieu il y a 3 semaines déjà, et avec Alexandra et Laurent. Et donc, deuxième partie avec toujours Alexandra, Bonjour. Laurent, Bonjour. et un nouveau dépucelage pour lui sur Marvelicious, hein. Cédric, on peut l'appeler Cetra Dreams. Cetra Merci pour Dreams. cette présentation. Merci. Merci. T'inquiète Donc, bonjour tout le monde. pas, tu auras le temps de te présenter après, mon petit Cetra Dreams. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Voilà. Comme d'habitude, ce podcast est ouvert à tout le monde. Alors, il y avait Danae normalement qui était prévue, mais elle ne peut pas venir et s'en excuse, mais elle viendra au troisième consacré à Moon Knight, qui sera le dernier sur Moon Knight. Voilà, et je vous remercie aussi d'avoir répondu aux questions. J'en avais une quinzaine, mais j'en ai sélectionné que 5. Je garde les autres pour la troisième. Le troisième podcast sur Moon Knight. Et je vous remercie encore d'avoir suivi l'épisode 5. De ce que j'ai vu, vous étiez alors, à peu près 900 écoutes, ce qui est beaucoup. J'aurais pas cru. Dans tous les cas, merci à vous. Fait un point sur l'épisode 2, 3, 4, puisqu'on avait fait le 1. Laurent, à chaud comme ça, sans rentrer dans les détails, es-tu content des épisodes 2, 3, 4? Moi, oui, super Toi, content. oui. Super content. Moi, je vais continuer à la suivre vraiment avec plaisir jusqu'au bout. Alexandra. Alors, oui, très contente. Il y a une bonne fluidité. J'ai beaucoup aimé et des rebondissements qui étaient tous sympas les uns que les autres à regarder. Ça m'a permis d'écrire d'autres théories. Du coup, je suis contente. Est-ce qu'Alexandra, elle a un cahier de théorie? Oui. Elle a un cahier de théorie. Et mon petit C3 Dreams, c'est Dreams. Toi, est-ce que tu as bien aimé, du coup, l'épisode 1 à 4? Est-ce que, en fait, c'est une série qui te plaît de manière générale? Et même une agréable surprise, j'ai même envie de dire, franchement. C'est vrai? Ah ouais, franchement, au moment où on parle, donc à la fin de l'épisode 4, je la place juste après Loki, qui est mon coup de cœur ultime. Donc c'est dire mon engouement pour cette série, franchement. Ah, t'es pas le seul, parce que Laurent aussi avait dit qu'il avait adoré Loki et que... C'est toi, Laurent, t'avais dit la dernière fois que t'avais bien aimé Loki, je crois. Je ne sais plus. Non, c'est pas moi. C'est pas toi? Non, ça doit être Alexandra. quelqu'un d'autre. Ah, peut-être... Non, Alexandra ne l'a pas vu, je crois J'ai pas vu Loki. pas. Non, pas encore. Mais... Ah, mais non, c'est une discussion que j'avais eue avec justement... Je suis bête, avec une personne sur Insta. Donc, du coup, on va parler de l'épisode... On va parler des personnages, notamment... on va commencer par Laurent. Est-ce que tu apprécies ou comment t'as perçu les relations qu'il y a entre Steve Grant et Mark Spector. Bah, j'ai trouvé ça super intéressant parce que au début, dans le premier épisode, on sent que c'est deux personnes qui sont un peu en conflit. Et plus on avance dans la série, on sent qu'il va y avoir comme une sorte de symbiose, quoi. Et ils vont arriver à cohabiter ensemble pour arriver à des objectifs. Et puis, ouais, je trouve ça super intéressant, moi, à mes yeux. Très bien. Alexandra, l'évolution aussi, tu as pu la constater, tu l'as appréciée ou pas dans la relation entre Mark Spector et puis Steve Grant? Alors, tout à fait. Je ne sais pas si tu m'autorises. Je ne vais pas détailler non plus, mais on voit que dans l'épisode 2, on voit plus Mark que Steve. En tout cas, c'est plus Mark qui est mis en avant. Et puis, épisode 3 et 4, c'est un peu plus... je dirais pas en symbiose, mais on sent qu'ils tendent à avoir une relation où ils vont arrêter de voir que par eux, Marc en se disant « moi je suis plus fort » et Steve qui est en train de dire « s'il te plaît, rends-moi mon corps ». On part plus sur deux personnes qui essayent de cohabiter. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Oui, au fur et à mesure. C'est vrai qu'au fur et à mesure, ouais. D'ailleurs, on le voit dans l'épisode 4, on le sent bien. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais je trouve que la présence de Layla aussi a pas mal aidé là-dessus. On en parlera tout à l'heure de Layla. Voilà, mais je voulais juste le dire. Mon petit Cédrims, pour toi, question. On avait débattu avec Laurent et Alexandra au premier épisode. J'expliquais que dans les comics, Mark Spector est le personnage principal qui a différentes identités liées à son trouble de l'identité. Et est-ce que pour toi, Mark Spector et Steve Grant vont arriver pour plus tard à cohabiter dans le même corps? Je pense, en fait, comme ça a été dit précédemment, au début, on sentait une confrontation entre les deux. Et là, on se dirige plus vers une cohabitation qui est super intéressante parce que c'est quand même double personnalité et en même temps dans un but un peu commun, plus ou moins commun quelque part. Et c'est vraiment intéressant et en même temps un peu psycho. Enfin, ouais, on sent la relation s'améliorer. Pourquoi? On le découvrira sans doute dans les derniers épisodes, mais moi, je trouve ça intéressant. Et Laurent, tu sais, comme je disais, Mark Spector est le personnage principal dans les comics. Pour toi, alors, est-ce que c'est Mark Spector ou Steve Grant le personnage principal? Ben, je reviens un peu à ce que j'avais dit, que je pense encore. Pour moi, c'est Mark qui est le personnage principal, puisque au moment où il a rencontré Khonshu, c'était Mark, et c'est après, je pense que c'est suite à cette rencontre que le Steven est apparu. Ça, c'est une de mes pensées. Voilà, donc je pense, pour moi, c'est Mark. On verra bien. D'accord. Ouais. Et toi, Cédrims, est-ce que tu, trait, on va dire caractéristique, on va dire plutôt de trait de caractère plutôt, pour bien dire, tu vois? Je vais reposer ma question. Quel trait de caractère tu apprécies chez Steve Grant et quel trait de caractère tu apprécies chez Mark Spector? Déjà, je voulais réagir à Laurent. C'est vrai que maintenant, après l'épisode 4, on se rend compte que c'est Mark le personnage principal, sachant les comics, comme tu l'as expliqué. Mais dans le premier épisode, on avait tendance à penser que c'était Steven. Enfin, moi, je l'ai pensé en tous les cas. Je ne sais pas pour vous. Mais on exact, pensait... oui, c'était présenté comme ça. Ouais. Et quand Benjamin, tu nous as dit que bah, finalement c'était Mark le personnage principal en théorie, bah, je me suis dit, mais on va où? En fait, la série a été un peu prise à l'envers volontairement, et tant mieux, quelque part ça nous a un petit peu perdu et ça a ajouté des petits trucs. Enfin, on se posait des questions. Où est-ce qu'elle est la série? Donc, ça, c'était super intéressant. Sinon, concernant les personnalités, c'est des personnalités très complexes les deux là. Hein. Ils sont tout à fait différents et à la fois complémentaires, parce qu'on a un petit Mark Spector qui est un peu bourrin et un Steve Grant qui est un peu plus intellectuel. Ouais, plus un peu plus intellectuel. Plus quelque part. Ouais, on sent qu'il y a plus d'émotifs. Et Haro a dit comme ça que je sens que tu as plein de chaos en toi. Ouais. Ben, oui, justement, on va en parler. Et ça explique tout. On va en parler tout à l'heure de ce plein de chaos. J'avais expliqué que au premier épisode, qu'il y avait deux costumes différents de Moon Knight. Donc il y avait le costume à la capuche, un peu à la type Assassin's Creed, quand Mark Spector là. Et dans l'épisode 2, qu'est-ce qu'on a vu, Laurent? Dites-moi, qu'est-ce qu'on a vu? Eh ben, Alexandra. vas-y, au eh niveau du costume, ben, vas-y, Alexandra. là, en fait, c'était comme tu as dit, Benjamin, je reprends mon petit cahier. Nous avons eu le droit. Attends, je l'ouvre. Nous avons eu le droit à Steve qui a crié, enfin Steven qui a crié costume, et comme par magie, costume. Donc, Mais un vrai costume, c'est. Et un puis, c'est costume bon à trois pièces. savoir, hein, c'est bon à savoir. Apparemment, il faut juste crier costume pour avoir un costume. C'est pas mal, hein. Alors, il faut savoir, c'est Et. que dans les comics, dans les comics, pardon, c'est Mr. Knight qui est une variante, bien sûr, de Moon Knight. C'est un Moon Knight beaucoup plus intellectuel. Bah, on le voit bien, d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui s'appuie plus sur son intellect et son intelligence que le Moon Knight de Mark Spector, qui lui est plus reconnu dans les compétences de combat. Et d'ailleurs, on peut le voir, si vous vous souvenez, puisque par deux fois, Steve laisse la place à Mark. Vous vous souvenez lesquels les deux fois, entre l'épisode 2 et 4? Alors, vas-y, vas-y, c'est trois rimes. Non, mais vas-y, je te laisse développer et après je vais juste rajouter quelque chose. D'accord. Vas-y. L'épisode 2, Laurent, si tu te souviens, il change de costume à quel moment? Quand il tombe du toit, non. Non, là, quand il tombe du toit, il change de costume, mais Oui, à quand quel il moment il tombe du laisse la toit, c'est place à son Marc? premier costume. Après, quand il change de costume, je me rappelle pas, Si, c'est honnêtement. pas quand il est contre le. Si, c'est quand il contre les. Quand il est contre le chacal et qu'il n'y arrive pas. Et Marc lui dit à travers la vitre du bus non, mais laisse-moi faire. Et là, ça change. Et on passe du costume de Steve, qui est un costume Ouais. costard-cravate, trois pièces, bon chic, bon genre, à Mark Spector avec un peu style Assassin's Creed. Et d'ailleurs, juste petit aparté, le combat était ridiculement drôle. Quand c'était Steve contre le chacal, je trouvais ça très Ah fort. oui. Et au niveau de la VFX, j'ai trouvé que le chacal était mal fait. Je sais pas vous, mais j'ai trouvé que l'effet spécial était Heureusement, on très voit pas moyen. beaucoup. Si je puis me permettre, je voulais réagir par rapport à ce que vient de dire Alexandra, et on parlait en même temps des personnalités quand ils ont le costume. Je trouve Marc beaucoup plus badass quand Steven est beaucoup plus classe, et quelque part ça révèle leur personnalité quand ils sont sans costume. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, si, si, si, si. On voit bien que on comprend que ce que tu dis dans le sens où Marc est plus bourrin, C'est ça. Rentre dans le tas, c'est ça que tu veux dire? Et du coup, il a Clairement. le costume approprié, hein, puisqu'il a carrément les croissants de lune comme arme aussi. Et un Steve beaucoup plus intellectuel et émotif, et on le voit bien quand il met le costume. Et la deuxième fois, tu C'est disais? tellement intelligent d'avoir fait ça, de retranscrire ça à l'écran. C'est tellement intelligent. Oui. Et à l'épisode 3, c'est quand il va chercher la carte, puisqu'il avait perdu le scarabée. Eh bien, il y a un combat. Qui se fait sur un champ de course de chevaux, je crois. Oui, c'est ça. Et Oui. en fait, il n'arrive pas à gérer. Du coup, il dit à Marc, vas-y, vas-y, prends le contrôle. Et puis là, Marc, il prend le contrôle. Et là, c'est parti, quoi. Il y a la bagarre. Il y a la bagarre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais à un moment, il saute et sa cape, elle faisait un croissant de lune. Ça faisait trop classe. Ouais, c'était très beau. Ouais. C'était magnifique. Nice, Magnifique. mec. Du coup, l'épisode 2, vous saviez c'était quoi son nom? Alors, l'épisode 1, c'était les mystères du poisson rouge. Bon, on comprend pourquoi, puisque il y a son petit poisson rouge. Mais Alors, l'épisode 2, vous savez quoi? je laisse mes compères répondre parce que j'ai un anti-sèche devant moi. J'ai une anti-sèche devant moi. Voilà. Alors, je ne peux pas te Je m'en dire. rappelle plus. J'essaie juste. Ce que j'ai vu les épisodes tout à l'heure. Je sais juste comment s'appelle l'épisode 3, mais le 2 et le 4, j'ai oublié. Alors, le 2, c'est invoquer le costume. Invoque le Ah costume, en fait. Voilà. oui. C'est Tellement, invoque le costume. tellement symbolique. Ouais. Et c'est dans cet épisode-là que, en fait, Arthur Harrow a récupéré ce scarabée. Ouais. On pensait que c'était un artefact, nous. Si vous vous souvenez, on pensait que c'était Mmh. un Oui, artefact. Et en oui. fait, c'est quoi? C'est la boussole pour retrouver C'est une boussole. Amout. Hein? C'était une boussole, donc on était Et carrément dans les choux. j'avais à moitié raison, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait enregistré tout au premier épisode, j'avais dit que pour moi, le scarabée allait permettre peut-être de réveiller Amout ou les dieux, d'aller remettre les dieux sur Terre. Donc au final, j'ai à moitié tort, à moitié raison, puisque ça permet de trouver le tombeau d'Amout. Du coup, de la ramener à la vie. C'est vrai. Et je me rappelle qu'Alexandra, tu avais raison quand tu avais dit que le personnage de Steven, qui avait des connaissances en égyptologie, ça servira dans la série. Oui. Bah, et effectivement, ça s'est révélé ouais, dans l'épisode où il fallait décrypter des hiéroglyphes. Bah, Mais j'y pense à toi, quoi. C'est trop, trop bien. Trop, dans trop bien. l'épisode 3 et 4 surtout Ouais, dans le 4, hein, Exact. Ouais, dans surtout le les 4, deux ouais, derniers. surtout le Ouais. 4. Dans l'épisode 2 sur le costume, on a Ronchou qui sur la fin de l'épisode apparaissait en colère contre Max Sinclair face à Spector, qui lui disait quand Arthur avait la boussole, du coup le scarabée. Et Spector qui va lui promettre de trouver la tombe d'Amit avant Haro. Et on sent quand même que Mark Spector a une certaine peur de Ronchou. Je sais pas vous si vous l'avez senti comme ça. Puisqu'il y a au-dessus de la tête quand même de Mark Spector, en fait, qui aime plus que tout au monde Layla. Il veut pas que Layla subit, entre guillemets, la même chose que lui. Qu'il soit l'avatar de Ronchou. Et on a l'impression qu'il vit... La présence de Ronchou et les menaces de Ronchou de dire bah, ça sera mon avatar, entre guillemets, Layla, on a l'impression qu'il le vit mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'il le vit mal et on voit que Ronchou exerce une certaine pression sur Marc pour que en fait il puisse arriver à ses fins. À votre avis, pourquoi Ronchou tient absolument à ce que Amit ne soit pas, entre guillemets, ressuscité? Parce que moi, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Moi, j'ai une théorie qui me vient. Franchement, Attendez. on sait que Ronchou veut pas qu'Amit réussisse, mais vous savez pourquoi, vous? J'ai une petite théorie qui me vient là. Can I do it? Allez. En gros, si vous vous souvenez bien, Ronchou, c'est Dieu vengeur. Donc en fait, il venge après que t'aies fait l'acte. Genre, t'as tué quelqu'un, machin, il va venger les victimes après. Alors qu'Amit, c'est. Elle pèse ton cœur normalement au moment de ta mort. Sauf Alors, que, attends, je vais te couper juste 2 secondes. C'est pas elle qui pèse les cœurs. oui, J'ai elle le Danaé mange. qui m'a écrit. En fait, non, elle pèse pas les cœurs. Elle le Elle dévore mange. les cœurs, mais elle les pèse pas. Oui, bah bref, elle est dans le truc. Elle mange ou pas ton cœur, suivant si t'es gentil ou pas. Là, je sais pas si vous vous souvenez, Haro, il dit que son objectif, c'est de faire venir Amit sur Terre dans le but. Il le dit dans l'épisode 2, qu'elle évite toutes les personnes malveillantes de vivre. En gros, elle va dire à ta naissance, puisqu'elle sait présent, passé, futur de ta vie, elle va dire à ta naissance si t'es une personne bien ou pas. Et dans l'épisode 2, quand Steve est contre Haro là dans son terre-terre, il dit, ah d'accord, vous êtes tous d'accord avec le fait ici qu'on peut tuer des enfants. Ça a l'air de déranger personne. Je sais pas si vous vous souvenez, il le dit au moment où il mange la boussole. Oui, Donc, ça appuie bien le fait que Hamout peut dire si quand t'es enfant, si oui ou non t'es une bonne personne. En faisant venir Hamout sur Terre, ça ferait du coup une purge énorme avant même que tu fasses ton délit. Et bah en fait, d'une part, ça va enlever le travail de Kishun. Le Kishun, son Kishun, travail, c'est ouais, la. je pas, c'est pas J'arrive Kishun, pas à dire. c'est Ronchou. Ronchon. Ah, c'est vrai qu'il fallait le voir ça en fait. Ça veut dire quand si Ben Amit oui. ressuscite, ça Et enlèverait oui. toute la nature même. De... Oh, putain, mais Et c'est pas bête. oui, c'est une analyse pertinente. Et ça enlève la nature de l'être humain. La nature de l'être humain, c'est de faire des erreurs, qu'elles soient légales ou pas légales. C'est si demain t'as pas envie d'ouvrir la porte à ton voisin parce que tu l'aimes pas et que tu décèdes à cause de ça parce que quand t'étais petit, on savait que t'allais, ça serait stupide. Et du coup, ça peut enlever le travail En gros, du on n'apprendrait pas de nos erreurs, quoi. voilà. Oui, Et c'est ça. ça ferait une population, bah, c'est bien, si on est tout gentil, ça serait cool, mais est-ce qu'au final, ça va pas emmener des rancœurs? Je sais Oui, pas, on ne sait pas. t'es enceinte, puis tu viens d'accoucher, et on dit, ah bah non, en fait, Hamout, elle a dévoré ton bébé parce qu'elle a vu que dans 10 ans, il allait rouler sur un chat sans faire exprès. Du coup, bah voilà. Du coup, elle l'a mangé. Allez, bonne journée. C'est pas. Au revoir. Merci. Alors, du coup, pour ce bref bilan de l'épisode 2, l'épisode 3 s'appelle En toute amitié. On a, durant cet épisode 3, je vais vraiment embrasser de manière générale, durant cet épisode 3, on a Haro qui, grâce au scarabée, va retrouver l'emplacement de la tombe d'Amit. Et on a Mark Spector et Steve Grant qui vont, on va dire, alterner tout au long de l'épisode de personnalité. On va voir Steve Grant, après on va voir Mark Spector à plusieurs reprises. On sent que Steven Grant va freiner la recherche de l'emplacement où se trouve Amit, et un Mark Spector qui va vouloir absolument exécuter la mission pour laquelle Honshu l'a recruté. Et on a deux moments qui sont un peu marquants. Le premier moment, c'est pas si vous vous souvenez, c'est l'épisode du couteau. Cédric, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, si vous vous souvenez, ils vont poursuivre des personnes qui sauraient où se trouve Haro, et notamment donc du coup au final l'emplacement de la tombe d'Amit. Et on a une première fois, ils les rattrapent sur les toits, puis une deuxième fois, je ne sais plus où d'ailleurs. Et à la fin, en fait, au bout d'un moment, en fait, il y a Marc qui se réveille et qui a le couteau planté dans l'un des antagonistes, et on a Marc qui dit à Steve, mais qu'est-ce que t'as fait? Il fait, mais c'est pas moi. Voilà. Ouais. Cédric, que penses-tu de cette scène-là? Ben, c'est juste fou. Oui, je sais bien. Mais quand tu l'as vu, quelle est la première chose? L'impression que Marc sait pas pourquoi il l'a tué, et Steve dit, ben non, mais moi j'ai rien fait, moi. Bon, Steve, on peut s'en douter que c'est pas lui, parce qu'il n'est pas courageux. Au Mais moment de l'épisode, c'est à ce moment-là, c'est au moment de l'épisode 3, parce que le 4 change un peu la donne, mais au moment de l'épisode 3, mais je me dis, mais comment l'un ne peut pas se rendre compte des actes de l'autre, en fait. ben justement, parce que quand on voit l'épisode 2 et le début de 3, on a l'impression qu'en fait, vu qu'ils se suivent mutuellement là, parce qu'ils savent que dans Oui. l'épisode 1, on voit que Steven Grant et Mark Spector, on en avait parlé la dernière fois, ils se rendent compte qu'en fait, que tous les deux cohabitent. Et donc, ils voient ce que l'autre fait, etc. Puisqu'ils savent que tous les deux cohabitent le même corps. Et on a cette impression-là qu'ils vont se dire, bon, bah, on doit vivre ensemble dans le même corps. Donc, du coup, on va se suivre mutuellement. Mais là, à ce moment-là, on a l'impression que Mark Spector et Steven Grant ont tous les deux eu un blackout. Je sais pas si vous avez vu. Oui, Exact. moi je oui. pense ça, ouais. Moi, j'ai capté direct. T'as Ouais. capté quoi? Non, mais je vais attendre qu'on parle de l'épisode 4 et après, je lirai. D'accord. Alors, du coup, Cédric, t'as capté quelque chose ou pas? Justement, en faisant une parenthèse, direct en faisant le parallèle avec l'épisode 4, l'histoire de couteau, ou comme dans l'épisode 4, l'histoire d'amour, mais on se dit, mais comment l'un peut ne pas se rendre compte de l'autre? Et en même temps, dans l'épisode 4, on se rend compte que finalement, c'est les deux mêmes. Enfin, c'est très psycho. Enfin, à un moment, on va où, quoi? À ce moment-là, moi, je Je me suis pense dit, bah, que c'est ouais, bon. y a deux types de cohabitation. Il y a des Ouais. moments où ils arrivent à se parler entre eux, ou Ça? par contre, des moments où il y en a un des deux qui doit prendre le contrôle total, c'est le blackout, quoi. Et après, il y a le réveil, Alors, il y a moi, le je suis pas retour, sûr. c'est la Je grande. suis pas sûr. Moi, je pense que quand ils sont tous les deux, il n'y a plus de blackout. Moi, je veux dire, moi, je pense qu'en fait, il y a une troisième identité cachée. C'est ce que je pense aussi, mais je vais attendre qu'on parte de Parce que l'épisode je vais te 4 dire pour montrer pourquoi. mes Parce mots. que dans les comics, pour vous aider, il a plusieurs personnalités. Tu te souviens, j'en avais parlé, Laurent, qu'il y en avait Ouais. plusieurs. Et Oui, il y a tu une avais dit ça. personnalité qu'il a qui s'appelle Jack. Oh putain, attends, il faut que je retrouve. Attends. Oh loulou. Il a une troisième. Il y en a plusieurs. Hein. Mais il a une personnalité. C'est Jack. Si, tu te souviens, j'en Jack avais Peralta. parlé. C'était un chauffeur de taxi. Dans les comics, Oui. et en fait, c'est un peu un mec ultra violent, mais méga violent, c'est-à-dire que le mec, Mais j'ai encore justement une autre théorie que j'ai écrite sur une comment? troisième personne, mais je vais attendre qu'on parte de l'épisode 4 pour qu'on revienne Si tu dessus. veux. Et la rumeur courait, mais moi, c'est pas une rumeur, pour moi, c'est le cas. Dans les comics de Moon Knight, il a plusieurs personnalités, et il a une personnalité qui est méga violente. Il est chauffeur de taxi et c'est un peu un sort de Joker, tu sais. C'est Jake Lockley. Et Jake Ok. Lockley est extrêmement violent. extrêmement okay, violent. Je repose la question parce qu'Alexandra a parlé, mais du coup, est-ce que le fameux Jack, là, comme tu dis, est encore plus violent, entre guillemets, que Max? Ah oui, c'est, tu le lâches, le mec, il t'égorge quelqu'un. Je ne sais pas si tu as vu, mais la scène, quand même, où tous les deux, là, dans l'épisode 3, où tous les deux disent « c'est toi qui as fait ça », mais non, c'est pas moi, mais ça peut pas être moi non plus. Ce qu'il y a autour, c'est quand même assez violent. Je trouve que à ce moment-là, c'est plus les scènes avec les couteaux, tout ça, c'était plus violent que quand c'est Marc. Parce que Marc, il... je sais pas si t'as vu là avant là qu'il se retrouve à tous débuter, quand il voit le gamin que c'est un petit jeune, au lieu de lui foutre un coup de poing, il lui fout une claque comme pour lui dire. Marc, allez, on va dire que c'est justifié quand la troisième personnalité, ce serait gratuit quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est pour être plus précis, je vais être plus précis parce que je sais que vous aimez la précision. L'une des entités, vous avez l'identité principale de Moon Knight, c'est Mark Spector, c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois. Il avait donc du coup, il a plusieurs alter ego, il a Steve Grant, voilà. Et il y a Jack Lockley. Et Jack Lockley, c'est un chauffeur de taxi à New York. Et il a comme but principal de recueillir des informations, c'est un peu un indict, si tu veux, pour les enquêtes qu'il mène. Et il est extrêmement violent. Il est extrêmement violent. C'est-à-dire qu'il n'a pas de boussole morale, le mec. Hein. Ah oui. pour vous dire, ce n'est pas forcément la personnalité la plus violente de Mark Spector, mais c'est l'un des alter-ego où... le mec, quand il va poursuivre quelqu'un, c'est pas pour faire des caresses, quoi. Et moi, je pense qu'il a une troisième personnalité, on en parlera dans l'épisode 4, comme dit Alexandra, parce qu'il y a un indice supplémentaire qui nous laisse penser qu'il y a une troisième personnalité. Et je pense que là, lorsqu'il a pris à ce moment-là la possession de cette troisième personnalité, blackout. Parce que même les deux sont surpris. Ouais. Mais parce qu'en fait, comme j'expliquais la dernière fois, ce qu'a Marc et Steven, c'est dans la vie réelle, c'est un TDI, donc un trouble dissociatif de l'identité. Et tu as plusieurs formes. Et pour moi, ils font ce qu'on appelle. Je suis pas spécialiste de ça. Je regarde juste des vidéos de personnes qui vivent cette maladie. Ce qu'ils appellent le confront, où en gros, tu es tous les deux conscients en fait de ce qui se passe. Comment dire ça, c'est tous les deux ont la. Soit tous les deux ont la main mise sur le corps, soit il y en a un, par exemple quand Marc il fait ses trucs quand il tabasse des gens, à un moment donné on voit le reflet de Steven sur le coteau qui lui dit non, ne fais pas ça. Du coup on voit bien que quand Marc prend le dessus ou quand c'est Steven, chacun voit ce que fait l'autre, entend ce que fait l'autre. Il n'est pas tout à fait, il n'est pas perdu dans les méandres et tout. En fait, quand tu sens bien que là, dans l'épisode 1 et 2, ils ont appris à cohabiter et ils savent qu'ils ont deux identités et donc du coup, ils se suivent mutuellement. Et ouais. Là, en fait, ils ne savent pas qu'il y a une troisième. Ils ne savent pas et c'est pour ça qu'il y a blackout. Ils ne s'en doutent même pas. Pour moi, ils ne s'en doutent pas. Non. J'ai quelques indices. Ah oui, pour moi, ils ne s'en doutent pas. Il y a cet indice-là dans l'épisode 3 et pour moi, il y en a trois autres dans l'épisode 4. Alors, que je dirais après. On en parlera tout à l'heure. Je poursuis sur l'épisode 3, vous en êtes d'accord. Donc voilà le premier événement, moi, qui m'avait particulièrement marqué. Et le deuxième événement qui est particulièrement marquant, c'est on a toute une aventure où on voit Marc et Steve rencontrer Anton Mogart, qui a un sarcophage. Qui va les aider, vous savez, c'est l'arc sarcophage de Senfu, où dessus ce sarcophage va permettre de localiser la tombe d'Amit alors qu'ils n'ont pas la boussole. Et on ne va pas revenir sur ce moment-là, mais là où on peut revenir, c'est sur le fait où Ronshu va convoquer les Néades. Vous vous souvenez, quand il va dans la pyramide de Gizeh, et d'ailleurs, Steve fait waouh, on est dans la pyramide de Gizeh. Et, ouais. Et Ronshu et Spector donc, vont invoquer les Néades. Et en fait, on voit qu'il y a par exemple Hathor qui se présente comme la déesse de l'amour, je crois. Je crois que c'est ça. Et il y a d'autres dieux. La déesse de... Et on voit qu'en fait, que c'est une sorte de conseil avec plusieurs dieux, et chaque dieu, en fait, a son avatar. C'est vrai. Exact. C'est... Oui. Du coup, on se dit, ah ouais, donc ils sont encore là. C'est-à-dire que leur corps n'est pas là, ils ont... En fait, ils utilisent le corps des êtres humains pour être présents sur notre Terre. Voilà. Et c'est ce que je vous disais dans l'épisode 1. Ils vivent dans un monde, alors j'avais abrégé, mais vraiment pour comprendre, dans un monde parallèle, dans une ville parallèle à la Terre, entre guillemets, qui s'appelait Héliopolis. Et on a cette impression-là qu'ils ne viennent pas sur Terre avec leur enveloppe corporelle, mais qu'ils utilisent les humains comme avatars. Et d'ailleurs, on voit que chaque humain ne peut voir que le dieu qui lui est attribué. Par exemple, Hathor, quand on voit l'avatar d'Hathor, elle dit, bah tiens, Hathor dit ça, etc. On n'a pas cette impression-là où les dieux puissent se contacter entre eux. Ils sont obligés de passer par leur avatar. Voilà. Ouais, c'est l'impression que ça donne. Je rejoins Alexandra, puisqu'elle précise beaucoup l'épisode 4, et l'épisode 4, pour moi, est très important, parce qu'il y a une phrase qui ressort, je ne sais plus exactement quelle est la phrase, mais en gros, c'est... Est-ce que c'est la phrase d'Aro ? Toujours entre nous, quoi. Est-ce que... Moi, j'ai noté une phrase qui revient souvent. Attends, je l'ai notée. C'est quoi ? Attends, parce que je l'ai noté. Laurent, t'as pensé quoi de cette scène ? De sorte laquelle, de tribunal, la scène, la scène justement dans la pyramide de Gizeh, sorte de tribunal où Khonshu essaye de justifier qu'ils veulent ressusciter un mythe. J'étais un peu déçu du fait que quand Khonshu lui a dit qu'il va falloir que tu aies des arguments solides avant de rentrer dans le tribunal, il aurait pu dire que Haro, il le poursuivait pour avoir le scarabée. C'est une preuve sérieuse, que lui cherchait vraiment à retrouver un mythe pour faire quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas dit. Bon, petite faiblesse momentanée. Mais c'est là, tu as raison, c'est qu'on a cette impression-là où Khonshu dit à Marc, t'as intérêt à avoir des arguments qui vont convaincre, et en fait, ce n'est pas Marc qui parle. C'est Khonshu qui parle à travers le corps de Marc. Et on a cette impression-là que les avatars, enfin les dieux égyptiens, ont déjà des a priori sur Khonshu, bah c'est normal parce qu'apparemment ils l'ont banni, et qu'ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas l'entendre. Ce n'est pas tellement Marc qui a parlé ou Steven. Ils auraient peut-être été plus convaincants que Khonshu en expliquant ce qui s'est passé. Et en fait, comme tu dis, c'est que Khonshu n'explique aucun détail. Il dit « j'accuse Arthur Haro de vouloir ressusciter Amit ». Bah oui, dans un tribunal, il faut des preuves. Arthur d'ailleurs, il apparaît, on ne sait pas comment d'ailleurs. Ouais. Oui, il n'y a rien, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien. J'étais assez déçue. J'ai pas été déçue de ce moment-là parce que je l'ai trouvé très très stylé en vrai. Les portes, etc. Tu vois les neuf. Ils n'étaient pas neuf, ils étaient sept, je crois, ou cinq. Oui, voilà. Enfin, tu vois, ils arrivent tous. Vraiment, vraiment stylé. Je trouvais ça vraiment stylé. Par contre, je rejoins Laurent quand il dit. Rochon. Quand il rentre, il dit bien, il faut des arguments solides. Bon, je veux comprendre partir sur la base de j'accuse Arthur Haro de vouloir ramener Amit, réveiller Amit. Mais il aurait pu dire, de un, vous avez qu'à aller dans le désert, voyez voir, ils vont faire des recherches bizarrement juste au-dessus du tombeau d'Amut. Comment il l'a récupéré avec la boussole? Regardez Amit. Dans sa poche. Regardez dans sa poche, tu vois, enfin, des trucs tout cons. Je pense que Kishun et Marc auraient laissé limite la place. Arrête de dire Kishun, c'est Khonshu. Khonshu, il aurait laissé la place. Khonshu et Marc auraient laissé la place à Steven, ça aurait été beaucoup plus carré, en fait. Parce que Marc, on va pas dire, c'est le mec le plus loquace, c'est le seul moment où il reprend possession du corps. Tout ce qu'il dit, c'est oui, en effet, j'ai un problème, mais lui, il est pas gentil, tu vois. Genre, j'ai vraiment vu ça comme ça. Alors que Haro, il est arrivé, il a fait non, mais écoutez, moi, je comprends pas. Je pense que c'est Khonshu, on s'en fout, voilà, Khonshu. il est pas content parce que je suis plus son avatar, tout ça, tout ça. Il a été plus malin. Il a été plus malin. Et du coup, ce qui s'est passé par la suite, c'est exclusivement de leur faute. C'est normal. Et il aurait fallu, justement, quand on a quelqu'un qui est malin en face, il faut prendre quelqu'un qui soit aussi malin, encore plus malin. Et il aurait dû laisser Steven parler. Mais oui, en plus, c'était il aurait dû son laisser élément. Steven parler. C'était son élément, c'est son endroit. Il aurait pu sortir l'histoire d'Amout, etc. Comment ils en sont arrivés là. Enfin, voilà. Et puis après, que les dieux en face le croient ou non, c'est pas là le problème. Mais ça aurait été beaucoup plus convaincant que juste dire « Regardez, il est méchant, il a une tête de méchant. » J'ai vu ça comme ça, l'intervention de Marc. Et du coup, ils se sont fait avoir comme des bleus. Comme des bleus. Oui, parce que Ronchou... Qu'as-tu pensé de cette scène? Qu'as-tu pensé de cette scène-là? Ronchou semble moins crédible parce qu'il change d'avatar. Parce qu'en plus, il a l'avatar de Marc qui est un coup Steven, un coup Marc, donc il paraît pour un fou quelque part. Enfin, il est moins crédible. Oui, et en plus, comment il s'appelle Arthur Haro, dit comme Alexandra, et comme tu dis, c'est qu'Arthur Haro dit, moi j'ai subi le courroux, entre guillemets, de Ronchou, et j'ai souffert d'être son avatar, et du coup, on a l'impression qu'aussi qu'eux, ils ont pris pitié. Mais il y a quand même, moi ce qui m'a surpris, c'est quand même, bon, deux choses, c'est surpris agréablement, parce que je me dis, il y a carrément l'Enea Adela, on a carrément un conseil d'autres dieux, on a l'impression que c'est un tribunal. Ouais. Et la deuxième chose que j'ai apprécié aussi, c'est que on a l'impression que ce conseil est celui qui supervise un petit peu tous les autres dieux qui ont des avatars, notamment avec ce qui se passe à la fin, on en parlera tout à l'heure. Mais par contre, grosse déception dans le sens où cette scène-là, à part ça, à nous faire comprendre qu'il y a d'autres dieux égyptiens qui sont obligés de passer par des avatars pour être sur Terre, j'ai pas trouvé forcément utile, surtout qu'après ils disent on va aller chez Anton Bogart chercher la tombe, enfin le sarcophage de Senfu et puis localiser la tombe quoi. J'ai pas compris. D'accord. Franchement, j'ai pas compris. Pour moi, elle révèle un peu Ronchou qui n'est encore une fois, ça accentue le truc, il est pas crédible. Même si c'est vrai, mais il est pas. Oui, tu veux dire dans son caractère, c'est ça. Moi, ça accentue ça, je trouve. Aussi. C'est vrai. Bon, en tout cas, si vous êtes fan de mythologie égyptienne, vous êtes servi à ce moment-là. Ah oui. Ah oui. Là, t'es servi, pyramide de Gizeh, etc. Donc, n'empêche que même si j'étais un peu déçu de cette défense un peu juridique devant les dieux, la forme, le décor, la pyramide, tout ça, l'ambiance, j'ai adoré. Quoi. C'est impressionnant. Oui. Enfin, c'était très beau. Alors, sachant que c'est pas la pyramide de Gizeh. Mais si vous vous souvenez, je vous expliquais que Héliopolis menait une porte. Alors, ce n'est pas sur la pyramide de Gizeh, mais c'était sur le plateau de Gizeh. Voilà, donc ça m'a fait penser à ça. Est-ce que c'est... Pourquoi la pyramide de Gizeh? Est-ce que c'est un lieu sacré, c'est sûr, mais est-ce que ce n'est pas une sorte de passerelle vers Héliopolis, cet endroit-là? Est-ce que ce n'est pas... Enfin, je vois une sorte de porte vers... vers un autre univers, vers le monde là où d'Asgard. Sont les dieux. Ah, pas d'Asgard, on dirait plutôt sur Héliopolis. mais effectivement, c'est... Voilà. L'épisode se finit de la manière suivante, c'est-à-dire que après leur aventure avec Anton Mogart, chez Anton Mogart, qu'ils ont réussi à décrypter la carte. Sauf que le problème, c'est que la carte des étoiles, c'est celle d'il y a plus de 2000 ans. Oui, c'est ça, c'est de 2000 ans. Et Ronchou a dit, Steven dit, oui, mais là, on ne va pas trouver où est la place, parce qu'en fait, les étoiles ont bougé depuis 2000 ans. Et Ronchou a dit, le ciel a changé. Je vais faire quelque chose que je n'ai pas le droit de faire, je vous préviens tout de suite, il va falloir me sauver, parce que je vais être emprisonné. Et donc, Ronchou utilise ses pouvoirs pour ramener, entre guillemets, la carte... pas la carte, mais on va dire la ciel. Constellation, le ciel de l'époque. Voilà, qui leur a permis de retrouver le lieu exact de la tombe d'Amit. Et pendant ce moment-là, on a ce fameux conseil, les Néades, des autres dieux égyptiens, par le biais de leur avatar, qui vont emprisonner Khonshu dans une petite statuette. Voilà. Oh. Ça s'appelle, ça s'appelle un Nouchepti. Oui, Oui, il le voilà. Il dit. La statuette que vous avez vue, c'est un ours. C'est des statuettes funéraires, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, on en voit dans l'épisode 4, quand il va dans le tombeau, il y a plein de statuettes oui. d'Ushepti au sol. Oui. Voilà. Oui. Qu'il est enfermé dans l'Ushepti et ça s'arrête là l'épisode. Exactement. Et après, bah, on serre les dents, on dit ah putain, une semaine avant le prochain. C'est clair. Impressionnant. Voilà. Et, du coup, à votre avis, elle est juste folle. Quand ils le... Pourquoi Oui, c'est clair que c'est cette fin-là est folle. Pourquoi ils ont tout de suite décidé d'enfermer Ronchou, à votre avis? Parce que c'est un dieu, donc il modifie le ciel et après le ciel nocturne de l'époque, et puis il met le ciel nocturne à l'époque. Mais pourquoi, à votre avis, il l'enferme du coup? Quelle règle il aurait en fera? Je vais laisser hier pour répondre en premier. Parce que s'il l'emprisonne, c'est pour le sanctionner de quelque chose. Bah écoute, alors, je sais pas trop, mais il a modifié le ciel. En plus, c'était pas très discret, quoi. Mais et du coup, ouais. En faisant ça, il a sûrement modifié autre chose. Ouais, je compléterais dans le sens où du coup, vu que n'importe quel mortel aurait pu voir ça, ça voudrait dire, en gros, ça révèle l'existence des dieux. Et puis en plus, on pourrait croire que ça pourrait modifier l'avenir, enfin le présent, l'avenir. Enfin, voilà. Est-ce que ça fait penser un peu à ce que vous dites aux Eternals? En fait, les Eternals, si vous avez vu au cinéma, ils n'avaient pas le droit d'intervenir dans les affaires des êtres humains. Ouais. Peut-être cette idée-là aussi, si, où non, les dieux ne doivent pas, comme tu dis, c'est différent, Cédric, carrément. Ne doivent pas. Je suis pas d'accord. Alors, vas-y, Alexandra. Dans les Eternals, ils n'ont pas le droit. Alors que dans mon night, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont choisi d'eux-mêmes de ne plus intervenir dans la vie des humains. Et du coup, pour moi, qui fait que Ronchou décide de changer de ciel, etc., et j'ai trouvé ce passage beau parce qu'on voit l'étendue des pouvoirs dans l'épisode 3 de Ronchou, qui est de déjà où il fait le signe avec la lutte pour convoquer les Néades, mais modifier un ciel parce qu'il se souvient de toutes les nuits depuis plus de 2000 ans, et ça atteint directement à la vie des humains. Et vu que pendant les Néades, ils disent, de ce que j'ai compris, ils disent non. Nous, on ne veut plus avoir affaire à la vie des humains. On a décidé, il y a tant d'années, de ne plus être dedans. Donc, Ronchou, t'arrêtes maintenant. Sinon, la prochaine fois, on ne va pas seulement te bannir, on va te pétrifier. Parce que, pour moi, il a été banni. Dans une... pour moi, il a été banni une première fois parce qu'il a dû intervenir dans la vie des humains. Peut-être, du coup, avec le truc de Marc, ça se trouve. Ou avec Arrow, avec un autre avatar, on ne sait pas. Et du coup, là, on lui a dit un avertissement, pas deux. Deuxième fois, t'es puni. Pour de bon. Et du coup, du fait qu'il aille vraiment jusqu'à se sacrifier, c'est un sacrifice, parce qu'on sait bien, à la fin de l'épisode 3, et Rochon le dit, si je suis pétrifié, tu n'as plus le costume. Tu n'es plus un avatar, tu deviens un être humain lambda. Donc, ça a un impact super important sur la suite. Sur l'épisode 4, je pense que ça aurait été différent si Marc et Steven avaient encore le costume. Et là, il n'y a pas le costume. J'avoue. Ça t'a été trop loin. Non, je reste sur l'idée que c'est un peu... Oui. Bah, c'est bien, ça a réfléchi, ça a été travaillé. Oui, bah, bon, ça, c'est... La grande question... C'est un cahier. on est ridicule à côté. Non, mais si on s'arrête à l'épisode 3, c'est vrai. Après, voilà. Oui, c'est par épisode. Mais on a toujours cette idée-là où ils doivent, soit ils doivent pas intervenir, soit ils veulent rester discrets. Ouais, non, mais si on s'arrête à l'épisode 3, c'est vrai. On peut penser ça, clairement. Ouais. Voilà pour l'épisode 3. L'épisode 4, alors, avant de rentrer, vu que c'est le plus récent et qu'il est plus frais dans nos têtes, un avis juste sans rentrer dans le détail. Juste, je vais donner le lien, après je vais attendre le vôtre. L'épisode 4, moi, je le vois en deux parties. En trois parties. La première partie où je me suis un petit peu quand même ennuyé. La deuxième partie où je me suis dit... alors, ça va jusqu'au moment où il trouve la tombe d'Amit. À partir de là, je dis, ah, ça commence à bouger. Voilà. Et après, la troisième partie, bon, vous avez compris, c'est quand il est à l'hôpital psychiatrique, où là, je fais, ah putain, ouais, quand même. Oula, ah là, là, on est dans le lourd. Voilà. Moi, je l'ai vu en trois parties. Et clairement, la première partie, j'ai pas aimé. Hein, clairement. Cédric. Est-ce que tu peux développer pourquoi tu t'es ennuyé dans la première partie? Parce qu'en fait, il y avait une sorte de facilité scénaristique qui m'a dérangé. Je vais donner un exemple tout bête. C'est qu'ils sont en haut de la dune, là. Et il y a un camion avec une mitrailleuse qui arrive, qui leur tire dessus. Ils tombent. Et le gars, il dit « Attends, j'ai vu quelqu'un !» La meuf, elle est planquée dans la bagnole. Ils font trois fois le tour et puis elle arrive à dégommer le truc en deux secondes avec de l'essence. Et je me suis dit, mais tu peux carrément te dispenser de cette scène-là. Autant arriver à cette deuxième partie direct. Bah, en fait, moi, je pense que ça a été, tu l'as dit, une facilité scénaristique pour amener un petit peu l'histoire vers elle. Parce que c'est vrai qu'il y a une première partie vers elle, clairement. On oublie même Marc ou Steven. Hein. D'accord. Mais sinon, mis à part ça. J'ai vu le personnage de elle, vraiment. Donc je pense que c'était nécessaire. T'as bien aimé que cet épisode-là se concentre un peu plus sur elle. Sur Layla. Ouais, clairement, ouais. Et toi, Laurent? Je suis du même avis. C'est-à-dire tu l'as vu en trois parties? Layla, on la connaît pas trop. Et c'était une façon de faire un peu plus se focus sur elle. Je pense que le personnage, on a encore beaucoup à découvrir. C'est ça. La façon cette personne encore. Voilà, c'est ça. La façon, c'était à discuter, mais c'était nécessaire, je pense. Alexandra? Moi, en vrai, j'ai noté plein de choses intéressantes dans l'épisode 4, mais vu que là, on parle de Layla... Non, ouais. juste l'impression que tu as eue quand tu l'as vue. On parlera de tout à l'heure plus en vrai, je me suis, par rapport à toi, moi, je me suis pas ennuyée. Je me suis pas ennuyée parce que... C'est que la première partie. Hein. Oui, mais c'est vrai que la première partie, j'ai peut-être eu cette impression, oh, c'est un petit peu long, quand est-ce qu'on va un peu dans l'action, dans machin. Mais au final, j'ai apprécié l'épisode comme j'ai apprécié les autres. Après, moi, il faut y aller pour que je m'ennuie devant un truc de toute façon. Donc... je peux pas te rejoindre, je peux pas te contredire. C'est très difficile. Tu es t'es bien normande, hein, mes filles, mais peut-être d'un coup, t'es de maintenant. Non, juste pour dire, donc, Layla, si vous vous souvenez alors, du premier podcast sur Moon Knight, je vous avais expliqué qu'en fait, elle était l'interprétation au MCU de Marlène Alrone, vous savez, qui était la copine de Mark Spector, la compagne de Mark Spector. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les comics, il la connaît comment? Eh bien, en fait, comme vous savez, Mark Spector est un mercenaire et il travaillait avec un autre mercenaire qui était très violent, qui s'appelait Raoul Bushman. Alors, je fais un gros raccourci, hein, je vous le dis. Hein. Oui. Ça peut être pour aller plus loin, mais en fait, il est avec Raoul Bushman et avec Jean-Paul Duchamp. Vous savez, le Frenchie, on en parlait oui. Lors du... Voilà. Et en fait, Bushman est un mercenaire assez sanguinaire et il devait aller sur un lieu de culte en Égypte. Et Raoul Bushman, c'est un sanguinaire, il tue tout le monde, dont le père de Marlène. Et Mark Spector, en fait, dans les comics, essaye de l'en empêcher de tuer tout le monde. Et en fait, Bushman, c'est là où, entre guillemets, va tirer plusieurs fois sur Mark Spector, qui va être laissé à demi-mort. Et c'est là que Ronchu arrive. Voilà. Entre guillemets. J'ai fait un gros raccourci, mais vous avez un peu l'idée. Et là, en fait, on apprend que Layla, et c'est confirmé, c'est bien Marlène qui est dans les comics. Parce que on voit que on apprend grâce à Arthur Harrow qui dit à Marlène, à Layla, écoute, demande pourquoi ton père est mort à Mark Spector puisqu'il était là. Et Mark Spector raconte ce qui s'est passé avec Bushman, etc. Et on voit que là, en fait, on a cette même histoire entre les comics et la série entre Marlène et Layla. Voilà, c'est juste un. Une parenthèse Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est au début de cet épisode-là où elle fait son faux passeport. Il y a une femme à qui elle parle tout au début. J'ai pas compris cette femme. Mais moi non plus. Si, c'est... Non, de quoi? c'est au début de l'épisode 3, ça. Où elle C'est au début de l'épisode 3, ouais. fait. Et en fait, non, mais ça permet d'apprendre deux, trois trucs. T'apprends que Leila, elle va suivre Marc alors qu'il n'est pas au courant, parce que Marc, il est déjà en Égypte. Qu'apparemment, elle est connue au Caire et pas des bonnes personnes. Et du coup, la nana lui dit de faire attention. Et cette nana-là, elle a l'air de connaître son père depuis longtemps. Parce qu'à un moment donné, elle lui dit, oh, t'es bien la fille de ton père ou quelque chose comme ça. Et sans doute que c'est la personne à aller voir pour faire des faux passeports. Et on apprend que Leila, c'est la fille d'un archéologue réputé. Et du coup, on va en apprendre plus dans l'épisode 4. Mais ça permet juste de mettre en place des petits détails qu'on va mieux apprendre après. C'est C'est ça, en vrai. fait. Mais au moment où on se parle, on ne comprend pas. Non. Oui. Non. L'instant, on ne sait pas. Non. Hein, Bon, c'est pour vrai. moi, c'est juste la nana aller voir si tu veux faire des faux papiers, machin. Enfin, elle a l'air de traîner un peu dans. Oui, mais elle sort dans... d'où? Pourquoi elle? Enfin, on ne sait pas. Enfin... Ah, c'est l'entourage de Bon, je Leila, pense qu'on ne tu saura vois. pas. On On saura, je saura. pense qu'on saura jamais, mais ce qu'on comprend dans leur conversation, c'est que cette personne-là avait l'air d'être une amie proche du père de Leila, qu'elle a limite grandi avec elle, et que du coup, c'est tout naturel pour elle d'aller tourner vers cette personne en cas d'aide. C'est comme un membre proche de ta famille, en fait. Alors, dans Je ces l'ai cas-là, vu c'est comme ça. dommage. Dans ces cas-là, c'est dommage si on n'en apprend pas plus. Enfin... Je pense pas qu'on ait besoin. Je pense pas qu'on va la revoir. Moi aussi. Ce moment-là a juste permis de ramener le fait que son père est mort sur un site d'archéologie en faisant ce qu'il aimait, qu'elle a jamais su par qui elle avait été tuée, etc. Qu'elle est connue dans le Caire, donc elle doit faire attention. Ça met juste des petits points d'alerte quand tu regardes la suite, quoi. Après, c'est peut-être moi qui Oui. pars trop loin aussi. Non, tu es dans le sujet. Non. Tu es dans le sujet. Ouais. Tu es dans le sujet. Attendez que je reprenne ma trame quand même, parce que oui, donc dans cet épisode, oui, au tout début, donc on a Louchepti de Ronchou qui va dans un caveau et on découvre qu'on a un plan de caméra. Alors ça, c'est plutôt le côté de cinématique DLP, hein, Laurent, c'est ton côté réalisation. On a un plan très agréable. Je sais pas ce que t'en as pensé. Au ralenti, on va avoir un recul panoramique où on voit qu'en fait, Louchepti de Ronchou n'est pas le seul. Et en fait, on constate que le conseil a emprisonné plusieurs autres dieux. Et Voilà. 10. Comment? Oui, il y en Il a y en avait 10, beaucoup. ouais. Il y en a J'en ai beaucoup. compté 10. Voilà. On ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, ils ont mérité d'être enfermés. C'est pour ça que je dis qu'à mon avis, il y a une règle à pas en franchir. Je pense qu'il y a quelque chose, une règle de base à pas franchir. Moi, je pense que la règle, c'est de pas d'intervenir avec le monde des humains. De faire en sorte que les humains savent pas qu'on existe. Qui sont encore Oui, là. Le voilà, peut-être. père de Leila disait que les dieux égyptiens étaient toujours là. Et tu vois, au final, il a raison. Aujourd'hui, avec les avatars, on le sait. Mais il était le seul à penser ça. Bon, Donc. dans tout cas, on a un plan plutôt pas mal. Et après, donc cette deuxième, donc on a la scène où justement, où là, on est dans le désert, où je vais expliquer que pour moi, il y a une facilité scénaristique qui m'a un peu déplu. Mais après, cette deuxième partie, je vais expliquer, c'est là où ça m'a fait penser. Alors, je ne sais pas à vous, tiens, Laurent, toi qui es fan de, qui adore le cinéma, mais ça m'a fait penser à un épisode de style Indiana Jones. Steve Grant va entre guillemets prendre un déguisement d'aventurier entre guillemets avec Layla. Bon, ils se font un petit bisou à mon souvenir, mais ce Il se qui prend vaut un la pain colère dans de la figure. Marc. Voilà, il se Ça, prend c'est un pain dans rigolo. sa figure. Mais on a Oui. un moment où ça fait penser un peu, je sais pas vous, mais à un épisode de vraiment d'Ian Jones, Cédric. On a perdu Cédric. Excuse-moi, Oui. je viens. Excuse-moi. Nous avons perdu Cédric en direct. Oui, J'étais je trop sais, content. Cédric. Tu disais. Cette deuxième partie que j'ai appelée deuxième partie, moi, ça m'a fait penser comme un film d'Indiana Jones. Ah mais tu sais, j'y ai pensé, mais énormément. Mais énormément. Et toi, Laurent, tu y as pensé aussi ou pas du tout? Tu vas rigoler, mais... Bon, ça n'a rien à voir, mais j'ai pensé à Star Wars. Pourquoi tu penses dans le désert avec R2-D2 et C-3PO. D'accord. Très bon. Alors, mais j'ai eu un peu l'impression d'Indiana Jones et en même temps, je ne sais pas si vous connaissez Benjamin Gates. Ah si, ouais, bah si. Oui. C'est un mix des deux par l'humour. Enfin, je ne sais pas. Nicolas Cage, si tu nous entends. C'est ça, Nicolas Cage, ouais. Le Ghost Rider. Oui, et en rentrant dans cette tombe d'Amit, il y a deux choses qu'il découvre. La première chose, Amit 3, première chose qu'il découvre, c'est qu'on a. Ils sont dans un labyrinthe en forme d'œil d'Horus. C'est expliqué. Oui, voilà. En forme d'œil d'Horus. Alors, je suis un peu renseigné. Apparemment. Alors, j'ai regardé vite fait, mais Horus donc, serait le fils d'Osiris, donc celui, vous savez, qui a le dieu qui a enfermé, enfin qui tient la l'Ushepti de Ronchou et qui le dépose, c'était l'avatar, donc c'était Selim, je crois. Qui place. En fait, Horus aurait perdu un œil dans un combat qu'il avait contre Seth. Pour venger l'assassinat de son père, bon, un truc comme ça. Et Seth, en fait, a arraché l'œil d'Horus. Il le découpe en morceaux et il le jeta dans le Nil. Voilà. Voilà. Donc, il découvre qu'on a un labyrinthe en forme d'œil d'Horus. Et, grosse surprise, il trouve un sorte d'hôtel avec du sang. Et. Au pied de l'hôtel, il y avait des pots, et ça m'a rappelé les cours de 6e où j'avais appris, où on avait fait un peu d'égyptologie à l'époque. Je ne sais pas s'ils font encore un peu d'égyptologie en 6e, mais en 6e, je me souvenais que le prof m'avait expliqué que c'est des petits vases où on mettait les organes des morts, que on les momifie, et puis en fait, on enlève les organes et on les met dans les pots. En fait. Voilà. Okay. Et là, on découvre qu'il y a des sortes de prêtres morts-vivants, on va dire ça. Est-ce que tu as bien aimé cette scène justement Alors, j'ai beaucoup à dire parce que j'ai beaucoup à dire. Vas-y. Alors, dis beaucoup. L'épisode préféré. Mais en même temps, cette scène-là, où on apprend que c'est un espèce de labyrinthe, me dérange. Parce que on prend ça comme un labyrinthe et finalement, c'était pas tant un labyrinthe que ça. Hein. Tu les as vu chercher, bon, l'autre, il a la carte et tout ça, on arrive direct dans les. Facilité scénaristique. Ouais, je pense qu'il y a eu un petit souci là. On te vend ça comme un labyrinthe et finalement, bah, ils trouvent direct. Moi, j'ai un petit souci là-dessus. Bah, et toi, Laurent? Ouais, moi, j'ai bien aimé. Je me suis pas trop posé de questions. J'ai vraiment apprécié les scènes. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était le mort-vivant, quoi, le zombie. Et ça m'a fait penser au film de zombie, quoi. C'est Bah tiens, il avait même les mêmes bruits qu'on retrouve dans d'autres films. Cédric, il est en ce moment dans les Walking Dead, donc du coup, il était pour pirater. Ah oui, dedans. Mais non, mais franchement, j'insiste vraiment là-dessus. On te vend ça comme un labyrinthe et on squeeze certaines choses sans doute. Ils cherchent pas, en vrai, ils cherchent pas. Ils se cachent parce qu'ils ont peur et ils trouvent direct après. Hein, c'est pas vraiment labyrinthe. En même temps, ils peuvent pas trop faire les malins, ils ont plus le costume. Ils vont pas rentrer dans le tas. Hein. Ouais, mais alors, où est le labyrinthe ? Ça peut pas. Ouais, alors, du coup, la question que je me suis posée, c'est mais qu'est-ce qu'il fout là, ce prêtre mort-vivant, tu vois ? Je pense qu'on l'apprendra plus tard. Peut-être. En tout cas, ça a confirmé, du moins, on a compris pourquoi le camp était vide. Le camp d'Arthur Haro était vide, on a compris. Oui, oui. Et du coup, ça peut faire penser qu'il y en a un qui a réussi à sortir, à aller les chercher directement dehors, puisque quand il cherche les vivres, tu vois Leila qui récupère je sais pas comment ça s'appelle ça, des fusées de détresse. Et, et le plan de la caméra recule. Jusqu'à arriver où, comme d'habitude, oh, c'est bizarre, c'était caché derrière une cagette. Et t'as le même sorte de coutal là qu'ils utilisent qu'ils l'utilisent après à l'intérieur. En vrai, moi, cette scène, j'ai bien aimé. Ça a rajouté un peu de suspense, un peu C'est vrai de. que ça a mis une note angoissante. Tu sais, Voilà, je pense. à un moment où justement on avait des vacillités scénaristiques avec la première partie dans le désert, le camp totalement vide, et puis d'un coup, comment Oui. on a ces moments assez angoissants. Justement, c'est ça que j'expliquais, c'est que ça m'a redonné. Voilà, je ne suis pas ennuyé à ce moment-là. Voilà. Par C'est contre. un discothèque, hein. C'est trois salles, trois ambiances. Hein. C'est ça. C'est ça. Par contre. Est-ce que vous... Alors, je sais pas moi, alors, je sais pas si c'est ma télé, mais j'ai pas réussi à voir le visage du prêtre correctement. Alors, je sais pas si c'est parce que ma télé était trop sombre ou pas, Non, je vois mais pas. j'ai trouvé ce moment-là Non, totalement non, sombre. c'est volontaire, très Ouais, c'est sombre. volontaire, Volontaire, je parce que pense. j'ai regardé télé et sur PC, on le voit pas. Non, on voit Tu juste vois les pas? trucs Alors, ouais. bleus. C'est dommage, mais bon, après tout. Déjà, là par contre, j'ai pas de théorie pour comprendre comment il y a encore un prêtre encore vivant, quoi. Genre, je Ben comprends moi, pas. je Est-ce que peux te c'est... répondre Vas-y, parce que dis-moi. c'est un prêtre Eka, et le prêtre Eka dans l'Égypte était défini comme un magicien et qui faisait de la médecine. Donc on peut dire que c'est de la magie, quoi. C'est Harry C'est pour ça Potter. qu'il est encore en vie. Ah, Ouais, c'est c'est Harry Harry Potter. Potter. Là, ce serait pas du Ouais. coup quand elle dit Léla, là, quand t'as plusieurs personnes momifiées là dans le mur, elle dit pas c'est des disciples de je ne sais plus qui et tout, la magie. Du coup, c'est un truc qu'il y a pas. Si, c'est Ouais. elle en a parlé, c'est C'est pour juste que ça. lui, c'était le boss, quoi. C'était le meilleur. Le meilleur. Voilà, et que ceux qui étaient dans les murs, visiblement, ils n'avaient pas trop de chance, ce qu'elle a dit. Ouais. Ah, Et mais puis là. Il a On l'air dit. d'être le seul en plus. Ouais, mais il y a cette fameuse phrase qui dit que les dieux sont toujours parmi nous. Bah pourquoi que les dieux, après tout? Les prêtres aussi sont parmi nous, du coup. Ouais, tout ce qui est la mythologie, quelque part. Oui, c'est pas faux. Hein? Ouais, bah du coup, C'est pour pas faux, c'est pas celui-là, faux. parce qu'il n'est pas encore mort, quoi. Il a réussi à Ah vivre, oui. c'est un truc de dingue. Ouais, non, mais oui. Ouais, à un moment donné. Après cet épisode du prêtre un peu flippant, mort-vivant, ils arrivent devant une tombe qui est celle de, d'après comment Steve, celle d'Alexandre le Grand, et on découvre qu'il était qui? C'est un phare, un Là. pharaon. Non, c'était pas Pharaon. En fait, Alexandre le Grand, c'était l'ancien, enfin, c'est un personnage de l'Antiquité, en fait, qui était roi de Macédoine. Bah, Je crois il que entre. c'était en. Faut que je regarde, mais je crois que c'était genre en. C'est genre Il le entreprend 4e la. siècle avant Non, mais il Jésus-Christ. a. Oui, il est en 323. Non, il est décédé en 323 avant Bon, Jésus. bref, en tout cas, et on découvre qu'Alexandre le Grand était l'avatar de Amit. Encore une Qui fois, était encore là. une fois. Comment? Encore une fois. Genre Mais 50 000 fois. je suis pas d'accord. C'est dans sa. Là, je suis allée me renseigner sur lui. Il est oh putain, proclamé pharaon parce qu'il a marché Ah, en attends, je vais Égypte. regarder parce que c'est mes anciens cours. Alexandre le Grand, allez. Pour moi, c'était le roi de Macédoine. Mais il a fait plein de trucs, hein. Oui, mais. De ce que je vois, il a été. Bah après, d'ailleurs, il y a Ah oui, Steve. il avait fondé une vingtaine de cités, dont Alexandrie d'Égypte. Effectivement. Ah oui, il a fait. Et d'ailleurs, Steve, il dit, grosso modo, son sarcophage s'est écrit en macédoin. Oh, je sais pas En comment ça se dit, moi. macédonien. En macédonien, merci. D'accord. Et En macédoine. C'est toi. il est tard, ok? Oui, on va dire ça. Et alors qu'il voulait être enterré sous. Il voulait être enterré comme un Égyptien. Cédric, j'ai une question pour toi. On apprend dans cet épisode-là qu'Alexandre le Grand est donc le dernier avatar d'Amit. Et dans le fond de sa gorge, on découvre l'Ushepti d'Amit. Cet Ushepti qui n'est pas avec les autres. On est d'accord? Ouais. Qu'on a vu au tout début lorsque l'avatar d'Osiris les met dans le caveau avec tous les autres. Pour toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Dernier avatar d'Amit et on a un Ushepti. Il va me dire rien. Pris comme ça. Pris comme ça à froid. Reviens-moi la prochaine fois que tu as une question comme ça. Bah, en gros, on comprend que vu que c'est un doucher petit, c'est qu'il a mis tête enfermée dedans. Voilà. C'est comme Ronchou. Mais la question moi, que je me pose, c'est que est-ce que Lou Chepti, est-ce qu'ils vont libérer, on va dire, Amit, dans le sens où il va être comme Ronchou, Osiris et les autres, et Hathor, c'est-à-dire qu'il va devoir chercher un nouvel avatar, ou est-ce qu'il le ressuscite dans son enveloppe corporelle? Bah déjà, parlons de la scène. Je trouve que, ok, Lou Chepti, oui, il est bien enfoui, ça c'est sûr, il est dans le corps d'Alexandre Legrand. Ok. Mais par contre, Alexandre le Grand, en tant que soi-disant pharaon, moi je trouve qu'il est facile à trouver. Ben, encore une fois, on revient sur l'histoire du labyrinthe. Ouais. C'est vrai. Donc déjà, il y a un peu deux salles, deux ambiances, quoi. Non, mais dis-toi que le tombeau, il n'a pas été facile à trouver parce que sans la boussole, tu ne trouves pas le tombeau. Hein. Oui, mais c'est une fois à l'intérieur. C'est censé être comme un labyrinthe. Et en fait, au final. Oui, tout à fait. Oui. Bon, déjà, faut le trouver. C'est un peu comme que tu vas à DLP, tu vois, tu as le labyrinthe d'Alice, mais tu arrives facilement à trouver la sortie, tu vois. Ça, tu as juste à franchir une petite porte, voilà. Enfin. Ça veut. Qui ne trouve pas la sortie à Disneyland Paris? Peut-être Laurent qui peut s'y perdre, à la limite. Hein. Tu trouves la sortie, moi, Laurent? Oui, quand même. Oui. Mais, voilà. Mais je préfère l'entrée. Je préfère l'entrée, pas trop la sortie. Oui, c'est vrai. Pour revenir à ta question, qu'est-ce que ça m'évoque? Bah, je sais pas. Je sais pas. Je découvre des choses. Bah, t'as droit à dire je sais pas. Bon, sais pas. En tout cas, à ce moment-là, et ben, d'une facilité absolue, comme Marc et Steve et Layla, il arrive Arthur aussi facilement. Et puis, et ben, Pampan. Et on a un spectre qui tombe. Alors, je crois que c'est une sorte de petite piscinette, on va dire ça, hein, derrière le tombeau. Et en fait, il s'enfonce. Et là, il se réveille dans un hôpital psychiatrique. Cédric, question plus facile. Tu peux pas dire je sais pas. Tu vois que Mark Spector se réveille dans un hôpital psychiatrique avec d'autres personnes, donc on voit Layla et on voit aussi, je crois, la chef, la directrice du musée de souvenirs. On voit les deux là. Oui. Voilà, je regarde l'épisode, mais je crois qu'il y a elle aussi. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là quand tout d'un coup il se réveille en hôpital psychiatrique? Moi, je me suis dit, si tu réfléchis pas à tout ce que tu as vu avant, enfin, ou pas trop. À un moment, tu te dis, mais est-ce que tout ça se passe dans la tête de Steven ou Marc? Ou est-ce que tout ceci s'est passé et qu'on essaie d'oublier ses souvenirs ou autres par la puissance des dieux? Ou est-ce que c'est une autre explication? Tu te poses des questions à un moment. Est-ce que tout ça s'est arrivé ou pas? Ou ça va arriver? On se pose plein de questions à la fin d'épisode, franchement. Déjà, tout début, tu as une sorte de. Un peu comme WandaVision, tu sais, une série à deux balles avec un Nia Jones tout un, comme tu dis source avec un Nia Jones de chez Wish quoi et le mec on est juste avant d'arriver qui s'appelle juste avant d'arriver à cette scène qui aurait cru qu'on serait arrivé là? Ah non, personne, enfin bah, t'avais quand même la bande annonce de la série où t'avais un moment tu vois, mais non, bah clairement tu te dis, comme tu l'as dit, tu te dis est-ce que en fait on est dans. Est-ce qu'il l'a inventé, notamment grâce à cette série B de faux Indiana Jones, où en fait on remarque que l'aventurier s'appelle Steve Grant. Oui. Et là, je me suis dit, putain, merde, en fait, le gars, il est fou, en fait. Il est fou. En fait, c'est bien Mark Spector, le personnage principal, ce que je me suis dit. Et en fait, il est complètement fou et il s'est inventé un personnage de Steven. Et en plus, vu que le mec, c'est un aventurier, je lui dis, bah tiens, bah, si Steven Grant est aussi calé en histoire, en égyptologie, bah, voilà, il s'est attribué une personnalité qui conforme à cet acteur, du moins pas cet acteur, mais à ce personnage de série qu'il voit. Est-ce qu'on peut le présenter? Et après, tu vois Arthur Harrow en thérapeute, tu te dis, oh merde, voilà, c'est encore plus convaincant. Hein. On te le présente comme ça, en plus, comme quoi il regarde soi-disant une série qui regarde sur soi. Tu te dis, mais c'est quel est le délire, quoi? On va où? Et dans un sens, je me dis, putain, et si c'est inventé de toute pièce, enfin, quand tu le vois, je me dis, putain, mais s'ils sont arrivés à. Si Disney dit, en fait, il s'est inventé une vie, franchement, j'aurais eu les boules, pas vous? Ouais, non. Ouais, et en même temps, ça dépend. Imaginons qu'on va dans ce sens-là, parce que je pense pas que ce soit ce vrai sens-là, mais imaginons qu'ils vont dans ce sens-là. Ouais. Pourquoi ils auraient fait une série là-dessus, tu vois? Enfin, donc, il y aura forcément une explication. Voilà. C'est tout ça pour dire à la fin, et tout ça était faux! C'est un peu stupide, tu vois. Ouais, mais tout ça était faux. Je pense pas que ce soit la vraie direction, encore une fois, mais c'est très tordu. Et pour le moment, il l'annonce comme ça sur les plateformes. Enfin, sur les Instagram, Facebook ou autres. Il l'annonce comme ça. Hein. Non, on va pas ça comme ça, non. Non, je ne pense pas. On peut se poser la question. Voilà. Je ne sais même plus ce que je voulais dire maintenant. Ah oui, Laurent, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette scène-là jusqu'à que Marc arrive à s'échapper et trouve le fameux sarcophage où il dit oui, sors-moi de là. Et là, on découvre qu'en fait, non, il n'est pas dans. Sortez-moi de là. Il y a Steve Grant qui sort. Ils se font un câlin. Ils se font un câlin. Et à ce moment-là, on se dit ouf, c'est pas dans la tête. T'en as pensé quoi de tout ça, toi, de le fait qu'il se réveille dans un hôpital psychiatrique, etc. Bah, pour moi, c'était très intéressant, la scène de l'hôpital psychiatrique. Je pense que Arrow, enfin l'équipe de Arrow, cherche à fouiller dans sa tête et obtenir quelque chose, mais ça, on ne le sait pas encore. Je pense que bah, y a un but derrière. C'était toute cette mise en scène, c'est pour le manipuler, mais c'est ça que je. C'est ça que j'ai vu et compris, en tout cas. Alexandra, et ça m'a intéressé. Comment? Oui, c'est vrai que c'est un moment très intéressant. T'en as pensé quoi, toi, de cette scène-là? Oui, ils se retrouvent vu qu'ils sont un câlin? Ou de toutes les scènes dans l'hôpital? Oui, si tu veux, non, mais de manière générale, ils se retrouvent dans l'hôpital psychiatrique. Bah, tout de suite, moi, je me suis dit, ah, c'est un coup de d'About. Je ne sais pas pourquoi, mais tu sais, vu que ça fait suite au fait qu'il s'est pris deux balles, qu'il tombe dans l'eau. Quand il est tombé dans l'eau, je me suis dit, on est quand même dans le tombeau d'Alexandre le Grand, qui était le dernier avatar d'Amit, qu'il l'a cherché dans la gorge parce qu'il a dit que c'était la voix d'Amit, tout ça, tout ça. Et il tombe dans l'eau qui est autour du tombeau. Il y avait quand même un prêtre plus tôt, je me suis dit, il y a un moyen, il y a un truc avec l'eau, tout ça. Donc pour moi, je me suis dit, ok, on part sur un délire de vision, de montée de toute pièce, ou alors il est à l'article de la mort, il est en train de péter un câble, tu vois, et d'imaginer des trucs. Mais quand plus la scène avançait, plus je me suis dit qu'on était plutôt dans le subconscient de Marc et de Steven. Et donc du coup, pour moi, du fait qu'on voit Marc sur le fauteuil, ça fait foi que Marc était le premier, puisqu'il a l'air d'avoir une liberté de mouvement dans cet endroit. On l'attache au fauteuil, mais il a l'air d'être en liberté de mouvement. Et on voit Steven, qui lui, par contre, est caché dans un sarcophage, dans une petite pièce, que Marc retrouve, le sauve, il se regarde, câlin, bisous, tout ça, et on se barre. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il passe devant une des pièces, il y a un sarcophage qui bouge beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Un deuxième sarcophage qui bouge, oui. Voilà. Parce que du coup, je me suis dit, donc j'en parlerai après, si vous voulez, du coup, j'ai une théorie sur ce sarcophage ainsi que sur la personne qu'on voit à la fin de cet épisode. J'ai beaucoup aimé ce moment-là. J'ai trouvé ça assez sympa parce que du coup, ça m'a emmené. Une théorie sur Amit et du coup une théorie sur la troisième personnalité qu'on a parlé plus tôt. Voilà. Alors moi, ce troisième sarcophage, on le voit, ce troisième sarcophage, il est déjà debout, il n'est pas allongé. Oui. Steven avait son sarcophage. Et ce deuxième sarcophage me confirme l'idée, depuis l'épisode du couteau qu'on a vu tout à l'heure, qu'il y a une troisième personne en eux. C'est ça. Qui a une troisième identité. Exact, oui. Ouais. Il y a une troisième identité, et pour moi, ça serait Jekyll, toujours, que j'ai cité tout à l'heure, Jekyll Lockley. Et vu que c'est un fou furieux, Bon, c'est pas non plus dans les comics la personnalité la plus violente qu'a Mark Spector, mais c'est une personnalité assez violente. Ça m'a fait penser, vous savez, un peu comme dans les asiles psychiatriques, tu sais, où les gens sont en trois quarts debout, attachés. Je sais pas, bon, je me fais peut-être des Oui. idées, hein. Tu vois pas, non? Tu vois, ah, si, ils sont en trois quarts debout, attachés. Contre... Mais ça, je dis, tiens, s'il est debout, c'est peut-être pour. C'est peut-être pas pour rien, peut-être qu'il est attaché à l'intérieur du sarcophage, etc., en position debout, comme les fous dans. Ça m'a fait penser, c'est bah, comme le Joker dans Arkham, si on fait un parallèle avec Batman. En tout cas, ce deuxième sarcophage me confirme l'idée qu'ils sont bien trois dans sa tête. Je sais pas, vous, ça vous a pas évoqué quelque chose, Cédric et Laurent, vous? Quand Forcément, vous parce l'avez que vu? sinon cette scène-là, elle est inutile. S'ils nous l'ont fait voir, c'est qu'elle a une utilité quelque part, sans doute plus tard, c'est sûr. Mais sinon, pourquoi nous faire voir ça vite fait C'était à ce moment-là, justement, c'était à ce moment-là qu'ils vont voir qu'ils ont une troisième identité. Je Bah, pense, peut-être, peut-être. je pense que c'est dans l'épisode 5, je pense. Ouais, Comment je ça? pense. Parce que, bon, tu vas en parler, Benjamin, mais à la fin de l'épisode, on voit une personne quand même, c'est particulier. Oui, mais on voit le sarcophage, comme je disais, qui bouge assez violemment et qui en fait il peut pas sortir. Tu vois, c'est pour ça que je pense que ça se trouve il est attaché à l'intérieur. Tu vois, il bouge de droite à gauche. Mais tu sais qu'il y a Alors certains que Steve Grant, lui, sarcophages. il était pas assez fort, il était en position allongée et on sentait bien qu'il n'était pas assez costaud pour lever Mais la quand même, comment le couvercle. il se pose des questions comme s'il était attiré, mais pas plus, tu vois. Il se pose des questions quand même, tu vois. Et ils ont regardé, ils ont fait limite, ouais, on s'en fout, on avance. On s'en fout, mais C'est ça. mais c'est chaud. C'est pour ça que pour moi, Mais c'est là quand même. c'est pour ça que moi, l'hôpital, je vois plus ça comme le subconscient de Marc, en fait, et de Steve. Parce que, bon, Ah, soit à pour la moi, c'est une base. troisième. Pour moi, c'est une troisième Non, personne. mais Il que faudrait dire pour qu'il y a un moi. personnage pour qui ça s'est passé, pour le coup, et non pas c'est juste du subconscient. J'ai pas entendu le début de Bon. ta phrase. Je disais, ça voudrait dire que un des deux, Marc ou Steven, pour un des deux, ça s'est passé. C'est quelque chose qui se passe en tous les cas, et c'est pas juste du subconscient. Ah oui, oui, C'est ok. vrai. Ok. C'est Oui, complexe. mais bon. C'est vrai que c'est l'idée de dire qu'il y a une personne et pas forcément un subconscient. Oui, non, C'est mais ça. ce que je veux dire, c'est que vu qu'il est encore attaché, il s'est pas encore. Tu sais, dans le TDI. Ça vient petit à petit, Ah, c'est une boucle. les personnalités, comme ça, en fait, elles viennent de traumatismes, etc., de choses que tu as vécues. Et quand elles arrivent, tu sais pas au début que c'est des nouvelles personnalités que tu as. Tu sais pas au début que c'est un TDI que tu as. Tu as des blancs, mais tu penses juste que tu dors mal la nuit, en fait, c'est juste ça. Et en gros, pour moi, je vois ça dans le sens où la troisième personnalité va se montrer petit à petit de plus en plus. Et puis ils vont tous les deux se rendre compte qu'il y a un problème. Bah, c'est comme quand Steve il s'est rendu compte qu'il y avait Marc. C'est à partir du moment où il s'est posé la question qu'il y avait un problème qu'il a commencé à ressentir qu'il y avait Marc, à ressentir qu'il y avait quelqu'un d'autre. Mais là, tous les deux, pour l'instant, le seul truc qu'ils ont eu, c'est toi qui as fait ça? Non, c'est pas moi. T'es sûr? Bah oui, c'est pas moi. Et c'est tout, et on avance. Et en fait, ça rejoint par rapport à ce que tu disais, Benji, dans le comics, c'est Marc le personnage principal, mais là, on a l'impression que la série prend le truc à l'envers. Il nous vend Marc comme un personnage à part, enfin secondaire, et finalement c'est le personnage principal. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Si, on comprend. Mais c'est le but même, je pense, qu'ils font, c'est que Oui, en de fait, te ils dire qu'il n'a pas de principal. C'est nous. chacun est autonome. C'est ça, mais ils nous perdent volontairement, tant mieux. Dans tous les cas, ça se finit comment cet épisode-là? Eh bien, ils ouvrent. Enfin, je sais pas s'ils ouvrent la porte ou si la porte s'ouvre toute seule. En tout cas, ils arrivent devant une porte blanche et là, ils voient une déesse à tête d'hippopotame qui leur fait coucou. Avec une petite voix fluette. Voilà. Voilà. Et eux, les grands yeux, des grands yeux de frayeur, en disant, putain, c'est quoi ça? Bon, on voit. Je pense que, comme on a vu, donc on se doute que c'est une déesse à tête d'hippopotame. Je pense que Laurent a fait des recherches dessus. Il va nous en parler. Mais. Non. En tout cas, moi, dès que j'ai vu ça, j'ai tapé sur Google, hein, déesse tête Ouais, d'hippopotame moi égyptien. aussi. Voilà. Et je pense qu'en fait, la forme, enfin, du moins, l'enveloppe corporelle des dieux égyptiens, c'est vraiment ça. C'est vraiment les animaux, De la base, tête ils sont tous comme ça. d'hippopotame, la tête de... Et que l'avatar, en fait, ils utilisent les enveloppes corporelles humaines pour rester sur Terre. Voilà. Que penser de cette fin d'épisode, Laurent? Bah, très énigmatique encore. C'est voilà quoi. Et justement, faut faire la recherche sur cette Alors, la recherche, déesse. je l'ai faite vite fait, sous le futur œil, même l'oreille aguerrie de Danaé qui va nous écouter. Ça serait la déesse Taouré, une déesse hippopotame, qui est la déesse de la protection, et notamment de la protection des femmes enceintes. Mais c'est ce que j'étais en Voilà. train de dire. Donc, vous faites avec ça. Non, mais t'inquiète, j'ai Voilà, des donc en fait, théories et ce tout, serait la hein. déesse protectrice de l'accouchement, pour être plus. Donc, on Donc, remercie en fait, Danaé. sa représentation, de ce que j'ai pu voir un peu, elle représente deux choses. La première chose, c'est vu qu'elle est protectrice de l'accouchement, c'est le but, c'est de repousser les mauvais esprits et de les tenir éloignés des enfants à naître. Donc, en fait, en gros, protéger non seulement l'accouchement, mais l'enfant à naître. Et après l'accouchement, eh bien, c'est aussi protéger le nouveau-né. Voilà. Donc, ça serait, en fait, c'est pas, c'est la déesse des sages-femmes, quoi. Hein, on va dire ça. Mais, vulgairement parlant. Mais, alors, là, en sachant ça, maintenant, Laurent, hein, que c'est la déesse de la protection des femmes enceintes ou de la protection de l'accouchement, comme tu veux. Qu'est-ce que ça t'inspire maintenant, cette fin d'épisode? Bah oui, elle n'est pas là par hasard. Je pense qu'elle va avoir une utilité dans les prochains épisodes. Peut-être un bébé, je ne sais pas. On ne Leïla est sait pas. enceinte. Mais Peut-être. non, mais. On Mais ouais. peut imaginer ça. Exactement. Ou elle va, alors encore ou plus débile, c'était pas débile, ou parce que là on l'a vu sous sa forme corporelle, mais est-ce qu'elle a un avatar? Et si elle en a Ah, pas? c'est possible, tout à fait. Et Si elle a pas l'avatar. d'avatar, peut-être qu'elle en cherche Ah un. Et boum! C'est Leïla ah. Peut-être que l'avatar. l'avatar, il est sous nos yeux depuis le début. Il n'y a pas d'avatar, justement, peut-être qu'elle Ouais, va demander on de ne sait l'aide à pas. Marc et à. C'est pas bête. Et imagine que l'avatar de Taouré, ça c'est Leïla. Comme ça, C'est Marc il est possible. sauvé, Ronchou il pourra plus s'attaquer à Leïla. Mais c'est l'un ou l'autre, en fait. Quelque part, Et oui. soit Leïla est enceinte de Steven Oumar parce qu'on ne sait plus trop du coup, ou soit c'est Leïla l'enfant, en On fait. l'aurait vu quand même. Ça fait longtemps Ben. qu'ils s'étaient pas vus, donc. Bah moi, tu Ben. vois, j'ai pas Alors, du sauf si tout elle vu fait une ça comme grossesse de ça. 2 ans. Putain, et moi j'ai pas du tout la même idée que vous tous, hein. Oh là là. Alors moi, mon idée, c'est que ça se trouve, elle n'a pas d'avatar, elle en cherche un, elle va demander de Marc et à Steve de l'aider, peut-être. Et peut-être qu'elle va avoir Leïla. Ce qui rassurerait peut-être Marc, parce que vu que Ronchou tourne autour de Leïla, et ben peut-être que si c'est Taouré qui devient, si Leïla devient l'avatar de Taouré, plutôt pas mal. Parce qu'elle a l'air gentille comme ça, enfin je sais pas. Elle a fait un petit coucou. Coucou. Bah oui, mais elle n'a pas l'air d'être, je veux dire, elle a l'air plutôt d'être bienveillante envers les Tu deux. penses qu'elle va les aider à se sortir de cette mauvaise passe ou pas? Bah, je pense qu'elle va avoir en tout cas un rôle utile, donc oui, je peux dire oui. D'accord. Et toi, Cédric, tu penses qu'elle va les aider à sortir de là, de cet hôpital psychiatrique? Enfin, c'est un peu Utile, bizarre, mais. c'est difficile à dire. Importante, c'est sûr. On montre ça en dernière scène. Il donne envie de voir le prochain épisode. Importante, oui. Après, je ne sais pas ouais, vers quelle théorie se diriger. Là, c'est Ou plus pour moi. peut-être, alors c'est peut-être con, ou peut-être qu'elle va être comme un peu la lumière d'un phare pour Marc. Parce qu'on ne connaît pas forcément les origines de Marc. Ce serait Et un c'est pharaon. alors peut-être de Marc et de Steven, vous savez, le début de ces troubles de l'identité. Alors peut-être qu'elle va, vu que c'est la protection de l'accouchement, est-ce qu'elle va revenir aux origines de Marc? Et du coup, Peut-être. qu'est-ce que Marc, le principal. Enfin, ouais. Oui, ou Steven, peut-être qu'il reviendra, il reviendra peut-être aux origines de Steven. Mais c'est vrai qu'il est difficile de savoir ce qu'elle fait là, parce que elle apparaît comme ça à l'hôpital psychiatrique. Enfin, Alexandra, tu as peut-être une théorie. On n'en parle pas oui. pendant les quatre premiers épisodes. Donc pourquoi elle apparaît là maintenant? Mais j'ai plusieurs. En fait, j'ai dit j'ai trois théories. Alors, du vas-y. Coup, alors, ma première, je vais revenir sur la troisième personnalité parce qu'il y a un lien avec, avec la déesse Taouré dans ma théorie. Donc, on a déjà dit dans l'épisode 3 le premier moment phare avec l'oubli des deux côtés. Dans l'épisode 4, pour moi, c'est vraiment l'hôpital avec le sarcophage, on l'a dit. En plus, on voit Taouré qui est la déesse protection des enfants de maternité, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir, c'est mon avis personnel, hein, donc après, vous ce que vous voulez, est-ce qu'on ne pourrait pas voir le fait d'une nouvelle personnalité un peu comme un accouchement, puisque c'est une nouvelle personne qui arrive en soi, ouais. C'est pas, voilà. Et du coup, ah ouais, est-ce qu'elle a pour que... ça de plus, accoucher d'un troisième. De plus, en regardant, alors c'est pas la source la plus fiable du monde, hein, bien évidemment, en regardant la page Wikipédia de Taouré, ils mettent des signes qui seraient des hiéroglyphes là, liés à elle. Et j'ai l'impression de voir sur le cercueil un qui ressemble à un oiseau. Ça ressemble un peu à celui de Taouré. Voilà, mais ça c'est parce que je trouve que ça y ressemble, mais c'est peut-être pas ça. Enfin, en tout cas, moi j'ai vu sa présence comme l'accouchement de la troisième personnalité. Et peut-être elle qui va aider à faire en sorte qu'il évite hein, de trop sortir, parce que bon, vu ce qu'il a fait et vu comment il bouge dans le sarcophage, on se doute que c'est pas quelqu'un qui vient là pour faire des pancakes tous les dimanches matins. Et ensuite, je voudrais bien parler de celle-là. De cette théorie-là, ma théorie, c'est que Hamout a été puni. Je voudrais en parler parce que dans l'épisode 4, pour moi, il y a quelque chose qui m'a. Il y a deux choses qui m'ont perturbé. Ah, on est d'accord que pour dire que les statuettes, là, c'est pour quand ils sont enfermés dedans, c'est pour les punir. Oui. On est tous d'accord là-dessus. Ah, bah oui. Justement, oui, c'est pour ça que je veux en parler. On est tous d'accord qu'on voit que. Je vais l'appeler Kichoun, mais c'est incroyable, Ronchou. J'y arrivé. Ronchou, il a été pétrifié et mis dans son petit coin avec 9 autres personnes. On voit que quand il était pétrifié, il est revenu à l'image qu'on a de Ronchon avec la tête d'aigle. On sait que la tête de Hamid, c'est la tête de crocodile dans mes souvenirs. Quand Steven sort Hamout de la gorge de Alexandre le Grand, elle est en statuette. Elle est pétrifiée. Elle est dans le même cas que Ronchou. Donc pour moi, elle a que été. Que les 10 autres. Et on sait bien, on l'a vu, quand un dieu est puni, son avatar est puni avec lui, il n'a pas de pouvoir. D'accord ? Alors pour moi, tu enlèves la canne de Haro, il ne peut plus rien faire. Parce que tout part de sa canne. Quand il défonce le truc à l'épisode 3, ça part de sa canne. Quand à l'épisode 2 et dans l'épisode 1, il invoque un chacal, ça part de sa canne. Lorsqu'il va te dire si t'es une bonne personne ou non, ça part de sa canne. C'est pour ça qu'il l'a posé sur les gens, sur ses mains. Non pas parce que j'ai fait des grands gestes là, mais c'est parce que... non pas parce qu'il a l'air stupide avec les deux mains... dans le vide comme ça, mais parce que sans la canne, il ne peut rien faire. Et il le dit que la canne a une partie du pouvoir d'Amit. Alors moi, je pense que Amit, elle s'est fait pétrifier parce qu'elle avait déjà dans l'idée de faire une grosse purge avec Alexandre le Grand. Sauf que ça s'est su, elle a été punie. Mais avant de se faire pétrifier, elle a réussi à mettre son pouvoir dans la canne. Et avec le temps, elle a récupéré un peu de force, ou j'en sais rien, la canne, elle est tombée entre les mains d'Haro, et elle lui a fait repasser son idée de purgatoire, en fait, mais pas à ta mort, en fait, quand t'es vivant. Et donc pour moi, en fait, je ne comprends pas du coup pourquoi les autres dieux. Du coup, enfin, je comprends et je comprends pas à la fois. Je comprends que les autres dieux ne croient pas Ronchou quand il dit Amit, elle va risque de revenir à la vie, elle va tuer tout le monde, tout ça, parce qu'ils l'ont déjà pétrifiée. Donc pour eux, elle ne peut plus rien faire. Donc pour eux, ils se sont dit, bon, on a perdu Non, il dit son pas truc. qu'elle, il dit pas, il dit qu'il y a, il dit que, ah, il dit qu'Arthur Harrow veut ramener Amit à la vie. Il dit pas qu'elle est encore vivante toute. Oui, non, mais du Moi, coup, mais j'ai du coup. dans Permis de déguiser. Oui, mais même du coup, Après, c'est vrai que sa canne, c'est vrai que c'est un peu bizarre comment il a la canne, j'avoue. je suis sûre que les autres dieux, ils ne croient pas à ça, à ce que dit Ronchou, parce que elle est pétrifiée, donc ils doivent se dire, bah, il pourra essayer autant qu'il veut, Arthur, Haro, là, de vouloir la ramener à la vie. Il va pas réussir parce que sans notre aide, il peut pas. Parce que moi, je pense qu'ils doivent se remettre en cercle avec le truc au milieu, faire une petite danse, tout ça, chanter ensemble. Et après, le dieu, il revient, il est plus pétrifié, tu vois. Mais d'une part, est-ce qu'en même, je pense que maintenant qu'ils gardent les dieux punis au même endroit pour éviter du coup de les reperdre, en fait. Moi, j'ai l'impression T'imagines que une guerre des dieux? T'imagines, ils se réveillent tous? bah, en vrai, Tout le monde, il réveille toutes les statuettes, donc du ça coup, fait une si je guerre. peux faire simple. Amit, pour moi, elle était punie parce qu'elle a voulu purger tout le monde et avec Alexandre le Grand et du coup bah voilà et j'en ai noté une autre que Haro il souhaitait se venger de Kishun mais elle est pas très ouf donc je ne vais pas la dire Bonjour. de Ah, Ronchou. merci en tout cas pour cette Je t'en théorie. prie. Je vous remercie, les amis, pour ce débrief. J'ai sur une story Instagram posé une question. Enfin, j'ai demandé aux gens de poser des questions auxquelles on pourrait répondre. Alors, j'en ai une, alors, je suis sur une 12 ou 15, j'en ai plusieurs. J'en ai sélectionné que 5 et j'en ai gardé les autres pour le troisième et dernier sur Moon Knight. Sachant qu'il y en a un, je l'ai déjà dit à Laurent en off, mais je crois que ça lui est concerné directement. La question qui vous est posée, on va commencer par Cédric. Pour toi, quelle sera la fin de la série Moon Knight? En vrai, impossible à dire. T'as C'est pas, impossible. tu sais pas comme, enfin, t'as pas de pensée. Non, parce que je ne sais même pas dans quel sens se dirige la série. On ne sait pas. Pas de problème. Non, mais tu peux dire, je sais pas. On T'as peut le vous droit de poser dire, la je sais question. pas. C'est autorisé. Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Laurent, pour toi, du coup, as-tu une réponse à cette question? Pour toi, quelle sera la fin de Moon Knight? Bon, déjà, on a un nouveau héros, ça c'est sûr. Est-ce qu'il va rejoindre les autres héros? Peut-être, je ne sais pas. Pour l'instant, je me Alexandra, pose la question pour toi. aussi avec Amit, ouais, je sais pas trop. Ah oui, ah oui. J'attendais que Alexandra, Laurent pour toi, que sera avait la fin? terminé. Je rejoins l'avis de Cédric, disant que c'est compliqué là de savoir la fin. On est, pour moi, l'épisode 4, on est dans un épisode, pas dire charnière, mais où en fait tout ce que tu pensais avant, Si, c'est, c'était alors, si tu correct, as raison de dire charnière, si mais en tu as fait raison, tout parce que change. Tout était. si, parce que les deux derniers épisodes dans toutes les séries Marvel Studios, depuis WandaVision notamment, même dans Loki ou dans tous, même tu prends Hawkeye, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais dans les séries Marvel, les deux derniers, ça va à une vitesse. Tu as vachement d'informations et le scénario, il est trépidant, etc. Et c'est Là, toujours comme ça. carte sur table et on va voir les réponses dans les deux derniers, j'en Voilà. suis sûr. Non, mais Voilà. Et ça va c'est aller sûr. super, et je pense que ça va aller super vite. Mais Sachant que je crois que les deux derniers épisodes, ça dure à peu près 50 minutes chacun. Donc, après, comme ça, en toute honnêteté, comment se peut se terminer la saison 1? Je la vois très très mal se terminer avec un. Pourquoi tu dis saison 1? Tu penses qu'il y aura une saison 2? Oui, Oui. parce que moi je pense. Je vais te dire comment je pense qu'elle va se terminer. Bah, Je c'est. pense Tu penses que. qu'il y aura une saison 2, Cédric? Oui. Moi, je suis pas sûr. Je Bon, moi, pense je suis pas qu'elle sûr. va. Je pense qu'elle va. Bah. Il y a souvent des saisons 2 quand la série marche bien et la saison 1 marche bien. Donc, Bah non, regarde, c'est pas vrai. WandaVision, t'en as qu'une. Le faucon et le soldat de l'hiver, t'en Bon, as qu'une. Loki, ils en sont une deuxième. Au-delà des financements et tout ça, au niveau de l'histoire, enfin, après, voilà, on n'est qu'à l'épisode 4, mais je comprends mal comment ils vont pouvoir résoudre toutes nos questions en deux épisodes. Voilà. Il y a ça aussi. Hein. Bah après, dans Sensei, ils ont fait même pour ça. Mais oui, après, il y a plein de séries qui montrent que même s'il y a encore plein de questions, ils ne font pas d'autres saisons. Mais je vais t'expliquer pourquoi je pense qu'il y aura une saison 2. Je pense qu'il y aura une saison 2 parce que pour moi, la saison 1 va se terminer sur le fail, l'échec de Ronchon et de Marc et Steven à arrêter le réveil de Hammout. Et il faudra bien régler la Ce qui, question alors de. d'accord, si c'est un échec, ça voudrait dire qu'il faudra d'autres super-héros. Oui. Ou Enfin, alors, c'est ou sûr, si alors, tu as un échec, si tu as un ou échec de alors, Moon ou Knight alors, ou alors avec les autres l'arrivée d'Amit, c'est-à-dire agents. qu'elle aura une influence sur toute la Terre, et tu es obligé, tu auras d'autres héros qui vont s'en mêler. Hein. Ou alors les avatars qui vont s'en mêler. C'est leur, à la base, ils disent, c'est leur, je veux pas dire c'est leur problème. Enfin, si, c'est leur problème. C'est leur première de ils avaient qu'à écouter Ronchon. Voilà, flûte. Et aussi, Chaud. Ronchon, il est pétrifié. On va pas le laisser là, le pauvre bibou là. Faut le sortir de là. Alors, soit en deux épisodes, ils battent Hammout, ils battent Haro, ils récupèrent le costume. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait Bah, en beaucoup. fait, si je peux te compléter, Alexandra, c'est Oui. que si on se fie à la série, c'est vrai qu'en deux épisodes, ça va aller beaucoup trop vite. C'est pour ça que je pense qu'il y aura une saison 2. Et si on se fie à l'univers du MCU, il va falloir l'intégrer dans le MCU un peu plus que ça quand même. Oui, là pour l'instant, c'est vrai que Pour le moment. Alors justement, ça c'est un rejoint une héros un peu deuxième mystique. question qui a été posée. C'est Pour vous, eu. quelle serait... La deuxième question qui est posée, ça rejoint ce que tu dis. C'est pour vous, quelle serait la place de Moon Knight dans le MCU, justement? Est-ce que vous Parce le que savez quand là? tu regardes là, t'arrives pas trop à voir sa place avec Wanda, Vision, t'arrives pas à voir sa place avec Loki, La quoique... principale, à quel moment ça se passe, d'ailleurs? Si ça se passe comment... Oh, je l'avais su. Ça se passe bon, en même temps que le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Je regardais. A priori, ce Mais serait je crois que ça. juste après OK, donc après Noël 2024 et avant le Oui, printemps alors 2024. peut-être après. Ok, attends, je vais regarder. Je vais regarder. Je vais regarder. Mais d'après ce que j'ai compris, ouais, on est. Mais c'est vrai que c'est difficile de voir la place qu'en fait, tu le vois pas dans un Gardien de la Galaxie. C'est ça, mais c'est Tu le ça. vois pas dans un Eternal. Enfin, je sais pas. Donc il faut l'amener. Et pour moi, en deux épisodes, ça va être complexe de répondre à nos questions sur la série en elle-même et du MCU en général. Franchement. Après, tu peux le voir dans un Blade, hein. Tu sais, tu restes dans du mystique donc, et du fantastique. Donc, Blade, c'est les vampires, c'est, Mais pourquoi je sais pas. nous l'amener? Ils font pas ça comme ça, je pense pas. Enfin, si on sort de la série, pourquoi nous l'amener? Voilà. Donc, la deuxième question, effectivement, c'est un peu difficile de répondre, c'est quelle est la place de Moon Knight dans le MCU? Moi, je vois pas sa place avec Thor ou les super-héros Non, traditionnels. non, non, non. Pour le moment, non. Je Ou pense qu'il alors va pour. arriver dans, il est dans le MCU, mais je pense que c'est à part. Vu que ça part un peu dans tous les sens, dans le sens où on a du multivers, on a du galactique, on commence à avoir enfin, on a du Y a quand cosmique, même avec. qui a évoqué que ça qui rentrait dans le MCU. Voilà. Donc il va falloir l'amener. Bah, après, t'as Blade, tu sais, le chasseur de vampires, qui lui, on serait peut-être plutôt dans cette perspective-là, où on est dans du mystique, donc peut-être qu'il apparaît. Alors, t'as un autre série qu'ils ont prévu, c'est Werewolf by Night, qui est une série Marvel où le héros est un loup-garou. On aura le temps d'en reparler, je pense, mais qui doit sortir. Alors, je crois que c'est. Je me demande si c'est pas cette année que ça sort. Et d'ailleurs, il apparaît dans un. Ouais, c'est ça. Disney Plus. Werewolf by Night est prévu sur Disney Plus comme série. Et ce qu'il faut savoir, c'est dans les comics, enfin, du moins, Moon Knight apparaît avec ce personnage de Werewolf by Night qui est un loup-garou. Il apparaît dans un comics avec. Ben c'est ça que j'avais comme Donc, question si on le pour toi. revoit, moi, je pense que si on le revoit dans le MCU, c'est dans une filière à part où on a l'impression que Marvel va venir du côté fantastique avec les vampires et les loups-garous. Enfin, après, je pense, je suis pas devin. C'était ma seule question dans les comics. Où est placé vraiment Moon Knight? Tout simplement. Voilà. Bah, Tu vois, tiens, je suis en train de regarder. Il y a des gens qui disent là que en 2022 est prévu un spécial Halloween avec justement Werewolf by Night. Ok. Voilà. Et que l'acteur qui jouerait c'est Michael. Non. Le réalisateur de Werewolf by Night, ça serait Michael Giacchino. Mm-hmm. Voilà. Voilà. Et qu'il y a Bled qui pourrait apparaître dans. Alors, du coup, voilà, peut-être qu'on le verra. En tout cas, je pense pas que dans. On le verra pas là dans. Je pense, dans le cosmique ou dans le multivers. Si on voit Moon Knight, c'est dans un autre domaine du MCU, ça serait pas dans. Ça serait pas comme on le présente aujourd'hui avec. Le multivers de Doctor Strange. Je le vois pas dans un Doctor Strange, enfin. En tous les cas. Enfin, si on le voit là dans trois semaines. Quoique, ils sont capables, parce que tu sais, je crois que le dernier épisode, c'est pas le jour de la sortie de Doctor Strange. Et ben c'est ça, c'est exactement ça. Je me dis, est-ce qu'il y aurait pas un lien ? Bah peut-être. On verra. J'avais cette petite intuition, mais ce serait... bon. Pas de. Ils sont capables, hein. Ils sont capables. Ah, ils sont capables. Ils sont capables. Alors, là j'ai une autre question, mais je crois qu'elle est plutôt pour Laurent. On demande si on va faire un vlog sur le nouveau land Marvel. Le seul à vlogger, c'est Laurent. Mais j'attends ça avec impatience. Moi. C'est... Ouais, t'as hâte d'attendre cet été, le nouveau land Marvel. Bah oui. Okay. Bon. Bah oui. Je sais pas s'ils vont ouvrir le. Bah justement, est-ce qu'ils vont l'ouvrir à tout le monde ? Est-ce que l'ouverture. Oui, ils vont l'ouvrir à tout le monde, mais est-ce qu'ils vont pas faire une cérémonie spéciale ? Ça va être la grande surprise. S'ils font la même chose que le 12 avril, tu vas être content ? Bah. Oui, mais après, je pense que ça sera ouvert à tout le monde. Hein, pour le. Oui, je pense aussi. C'est juste la question, ouais. C'est est-ce qu'ils vont faire quelque chose ? Si c'est comme le. Ah bah oui, je pense. Les 30 ans, le 12 avril. Oui. Ah oui, non, mais ça, oui. C'est un autre sujet, ça encore. j'y étais pas, moi, le 12. Mais. Il y a des pas. Hein. Bon. Non. Ah nous, on a des copains qui y étaient. Mais ils ont dit qu'ils n'ont pas aimé du tout. Ouais. Et enfin, dernière question. Ça concerne tout le monde, du coup. Pourquoi, Cédric, tu apprécies cette série ? Bah, on n'en a pas parlé, mais déjà, rien que le jeu d'acteur d'Oscar Isaac, franchement. Ouais, j'avoue. Il est juste fou. C'est pas donné à tout le monde de jouer un rôle qui a double personnalité, voire triple pour le coup. Enfin, c'est juste fou. Je sais pas quel est le budget de la série, j'en sais rien du tout, mais niveau pour te dire, il est producteur exécutif de la série, hein, Oscar Isaac, ouais, mais c'est fou, c'est juste fou. Et en plus la série est osée, comme on l'a dit, elle pourrait être clivante, et en même temps on te fait un rapport avec tout le MCU, et en même temps sans avoir tous les rapports du MCU que je n'ai pas, elle est super intéressante. Enfin, c'est complètement décalé, c'est du Disney+, c'est pas, normalement c'est familial et là ça l'est pas, enfin pour plein de raisons. On parle pas nous aussi des musiques dans la série, mais elle est très, enfin franchement c'est très rythmé. Rien que pour ça, pour tout ça, ça me rappelle Loki. Franchement, ça me rappelle Loki. Puissant acteur, puissance d'image, puissance musicale. C'est fou. C'est juste fou. Voilà. C'est vrai qu'il est difficile de voir un autre acteur jouer Moon Knight. Enfin. Très incarné. C'est très incarné. Et quand tu regardes, et d'ailleurs je sais pas si alors, vous le regardez en VO ou vous le regardez en VF. VF pour moi. VF. Et toi, enfin, vous regardez tout en VF. Moi, je regarde sur VF. Et l'autre fois, je me suis dit, tiens, je vais regarder en VO. Alors, je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième que j'ai vu. En VF, on voit qu'il change de voix, le personnage. Je sais pas si vous voyez suivant qui il est. On a Mark Spector, une voix un peu plus grave que Steven. On a une voix un peu apeurée. Je sais pas si vous avez fait vachement gaffe à la différence d'intonation de la voix. Moi, je regarde en VF sous-titré. Bah, VO sous-titré. Ouais. Les sous-titres. Et même pour le coup. Mais, alors, le VO, clairement, le VO. Oscar Isaac n'a pas la même voix, enfin il a la même voix, mais il n'a pas le même accent, suivant qu'il est Mark ou Steven. Quand c'est Steven Grant, il a un accent anglais, tu sais, où il forme bien ses mots, il sauce pas comme un yaourt son anglais, tu vois. Alors que Mark Spector, tu vois bien l'américain. Ouais, et non, c'est vrai, non mais regarde juste regarde, allez, 10 minutes de VO sous-titré, et tu verras que l'acteur, en fait, il a vraiment un accent anglais quand il est Steven Grant qu'il n'a pas quand il est Mark Spector. Mais vous n'avez pas retenu dans l'épisode 1 ou 2 d'ailleurs que Leila elle dit à Steven, bah t'as pas le même accent que dans Mark, pourquoi tu prends un accent ? Elle le dit. Ah oui, elle le dit, ouais. le dit franchement. Oui, ouais, c'est vrai c'est qu'elle vrai l'a dit. ça. Ouais, Ouais, c'est vrai, je... ouais. C'est vrai qu'elle lui dit. Oui, il parle... oui, c'est vrai. La différence, ouais. C'est vrai qu'elle lui dit. C'est vrai, c'est vrai. Laurent, pourquoi t'apprécies autant cette série? Bah, comme je l'ai dit depuis le premier podcast, moi j'adore moi tout ce qui est psychologique. Et ce film me rappelle, enfin ce film, cette série me rappelle un film que j'aime beaucoup. Peut-être que vous le connaissez. Ça s'appelle Split. Et c'est un film de Night Shyamalan, si je le prononce bien, dont l'acteur, enfin le rôle. Il s'appelle Kevin, il a 23 personnalités dans ce film. Et il faut voir le jeu d'acteur, c'est extraordinaire. Et je retrouve cette qualité dans cette série où Isaac vraiment joue très très bien. Bien sûr, pour l'instant, il y a deux personnalités, mais c'est très très bien fait, quoi. Ouais, ouais. Et pour moi, ce que j'adore justement, bah, peut-être que je me répète encore, c'est que c'est un Marvel qui change, quoi. Moi, j'aime bien les Marvel, j'aime Tu as bien tout quand à de fait l'action, raison. tout ça, mais là, ça va un peu plus loin, c'est du psychologique et c'est franchement, moi, j'adore, c'est top. Oui, et puis ça Voilà change que c'est ma vrai qu'on a toujours pensée. du multi, on a eu du multivers et du cosmique avec WandaVision, avec Ouais. Loki. Et là, on a quand même quelque chose d'assez fantastique quand même. Et puis la mythologie égyptienne, quoi. Voilà. La mythologie, clairement, clairement, oui, bah oui, c'est l'intérêt même de la Et en série. plus, ouais. Alexandra, alors pourquoi tu apprécies autant cette série? Ou t'es pas obligé de l'apprécier non plus. Bah comme j'ai dit, moi je suis pas difficile en série. C'est assez. En série, je suis pas difficile comparé à en animé. Là, je suis un peu plus compliquée. Mais ce que j'aime bien, c'est que le jeu d'acteur est ouf. C'est pas facile de jouer deux personnages différents en un. Les décors, on sent qu'ils vont sur des vrais lieux. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup, beaucoup de fond vert. Donc c'est agréable. Ou s'il y en a, c'est super bien fait. Et puis, surtout, c'est une série, je trouve, elle est différente des autres. Alors, mea culpa, j'ai pas encore regardé les autres séries Marvel telles Loki, WandaVision, etc. J'ai vu tous les films. Allez hop, fouettez à coups de fougère. Écoutez, De l'ortie, de l'ortie. écoutez, je suis dans One De Piece, j'ai l'ortie, oui, d'autres. c'est vrai que ça pique. Je suis dans One Les Piece, ronces. comprenez, j'ai 1000 épisodes à rattraper. Non, mais pas Loki, quoi. À limite, Mais bon, bref. le soldat de terre, ok, mais Ah, bah, pas Loki. Bref, comparé, là je vais juste comparer au film, d'accord? Cela, j'ai tout vu dans les films, c'est bon. Comparé au film de la licence MCU, eh bien, j'ai l'impression qu'on est pas dit, je veux pas dire qu'on. Enfin, j'ai envie de dire, on est dans un autre domaine, un truc un peu plus. Oui, c'est ce que disait Laurent. C'est pas juste C'est un méchant exactement ouais, à ce que disait Laurent. gentil et puis je suis méchant pour être méchant. J'ai l'impression qu'il y a un sujet un plus de fond. Et surtout, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a des petits. Alors, je sais que c'est un peu leur petit truc à Marvel de faire ça dans les séries. Mais je sais pas si vous avez remarqué, dans l'épisode 2, il y a un QR code sur une porte. Et ben, je vous invite Oui, c'est... à le scanner parce qu'il fonctionne. Voilà, il fonctionne. Donc, Et ça, en fait, il y a des QR codes à vous. chaque épisode. Je sais pas si vous avez fait gaffe, les gars. Et en fait, chaque épisode, il y a des QR codes. Et quand vous flashez avec votre téléphone le QR code, vous avez un Marvel bouquin à lire. Voilà, mais Gratuitement. bon, Waouh, c'est super cool. Ouais. pour l'instant, Tu je vas l'ai sur vu que dans. Internet. Tu vas dans l'épisode 2, tu sais quand il cherche le. C'est dans l'épisode 2, je crois, où il cherche le local. Oui, c'est dans le 2. Ouais, et c'est Le sur la local porte. Oui, dans le garde-meuble. avec. Ouais. Voilà, et ben regarde sur la porte, sous le numéro de la porte, t'as un QR code. Voilà. Et Et après, dans le s'il y en a premier épisode, d'autres. je crois qu'il est sur le. Il est dans le musée, je crois. Bah, pour Et l'instant, à moi, chaque j'ai fois, sur. avec ton téléphone, tu le scannes et t'as la BD gratuite Du à lire. coup, je trouvais ça En anglais. sympa. C'est des Ah, c'est petits trucs sympa. comme ça. Le paysage, le jeu d'acteur. Le fait que ça parle du TDI, j'aime bien aussi. Parce que ça le montre d'une autre façon. Parce que tout à l'heure, tu parlais du film Split, Laurent. Ouais. Je dois t'avouer, je ne l'ai pas vu, j'ai juste regardé des Ah, je t'invite passages, à aller voir, etc. c'est extraordinaire. Mais je sais ce qui se passe, j'ai regardé des parodies là-dessus. Sur Netflix? Et je crois pas qu'il y ait sur Netflix. Et en gros, le seul truc que je trouvais dommage, c'est que j'y reviens, mais là, ce que vit Marc ou Steven ou qui vous voulez, c'est un trouble dissociatif de l'identité qui existe réellement. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils le mettent pas comme étant quelque chose de dangereux, comme étant quelque chose, ça va tuer tout le monde. Non, ils le montrent un peu plus comme étant, vivre à deux dans un corps, c'est quoi? C'est comment? Et du coup, j'aime beaucoup ça. Ça change aussi des héros. J'aime beaucoup Iron Man, j'aime beaucoup Hulk, je les aime tous beaucoup, mais ça change de ce qu'on voit habituellement. Oui, bah du coup, t'es à la fois Je comme Cédric et comme Laurent. Ouais, parce que ça sens que c'est change, un mais en même peu. temps, on sait que ça va faire partie du MCU. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça va rejoindre tout ça, en fait. Justement, moi je pense que ça va être rejoint comme étant quelqu'un qui va peut-être aider pour une mission ponctuelle. Ouais, je pense comme Alexandra, c'est que je pense que là, ils vont partir sur un côté non plus que. Je pense, tu vois, ils partent sur le multivers. Avec les Gardiens de la Galaxie, Thor, etc., ils partent sur du cosmique. Captain Marvel aussi, tu sais. Ils partent sur du cosmique. Et je pense qu'ils vont aller sur une autre voie qui va être plutôt fantastique, puisque, comme tu sais, il y a Blade qui va sortir en film, qui est chasseur de vampires. On a Werewolf by Night qui va sortir aussi sur l'histoire d'un super-héros qui est un loup-garou. On a, si tu as été voir Eternals, je sais pas si tu as été le voir Cédric Eternals, mais si tu as été le voir, non, bon, comment il s'appelle, Laurent, il a vu Eternals plusieurs fois, je crois, ou du moins au Oui. moins une fois, c'est sûr. Il a adoré. À la fin, Ouais. t'as Black Knight, quand il doit prendre l'épée, t'as Blade qui arrive, qui dit, faut qu'on parle, etc. Moi, je pense qu'ils vont aller sur une autre voie, plutôt fantastique. On aura un côté multivers, un côté cosmique et un côté fantastique. Et je pense que, comme dit Alexandra, Moon Knight, on le reverra. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une saison 2. Je pense qu'on le. Parce que déjà, je ne suis pas sûr, parce que de ce que j'ai vu sur Internet, c'est qu'Oscar Isaac n'a pas signé pour une saison 2. Ouais, je voulais juste préciser pourquoi j'ai pas vu Eternals, parce que je trouve que les films, vraiment, faut avoir suivi tout le MCU, quand les séries ont une double lecture. Voilà. Et moi, qui n'ai pas suivi Après. le MCU, je me vois pas voir Eternals aujourd'hui. Voilà. Je préfère Peut-être préciser. plus tard, mais dans tous les cas, je pense qu'ils vont aller sur une autre voie plutôt dark et dark fantastique et Moon Knight, on le verra avec d'autres super-héros, mais je ne pense pas qu'on le revoie réellement dans une saison 2. Parce que Oh, mais Oscar alors dans Isaac, il n'a pas ce signé cas-là, pour une saison 2, tu vois? et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il Bah, est peu. il attend peut-être de savoir ça va être quoi les retours sur Oui, cette série, hein. ils vont l'annoncer peut-être à la fin, c'est ils vont faire comme Voilà. ils ont fait dans Shang-Chi reviendra. Pas Shang-Chi, mais Bah, franchement, tu sais, les acteurs, les ados reviennent. ils attendent de voir comment la série va être D'accord. appréciée par les gens et puis voir si tu signes ou pas pour une saison 2. Je suis d'accord. Bah non, c'est pas le style de Marvel. Oh non. Non, non, non. Regarde, ils font carrément des calendriers sur 5 ans avec tel film qui sort tel mois, etc. Et telle Mais je suis année. d'accord. Je suis d'accord, mais alors sans spoil, dans ces cas-là, Loki, on a tout le déroulé sur la série et à la limite, à la fin du dernier épisode, on se pose une ou deux questions, mais qui sont pas non plus. Loki, je vais te dire, tu vas le revoir. Loki, tu vas le revoir dans Doctor Strange 2. Non, mais à la Quasi. limite, la série, s'il n'y a pas d'autres saisons et tout ça, on se pose deux, trois questions, mais c'est pas non plus la base. Que là, imaginez, si on n'a pas toutes les réponses dans les deux prochains épisodes, ça pose un problème. Donc soit on a les réponses en deux épisodes et ça va aller très vite, ou Ben, soit on n'a pas de non, réponse, ça là, ça pose va pas poser un forcément problème. problème. Regarde, tu regardes les films. Tu les regardes pas les films forcément, mais tu regardes certains films du MCU, t'as pas forcément la réponse, hein. Et ça dépend. Es-tu obligé de savoir, Oui. Je suis d'accord d'attendre avec toi. Je dans quel pense film? qu'on D'ailleurs, n'aura t'es peut-être pas incapable de les dire. réponses à tout. Non, pas les réponses Non. à tout, mais les réponses au moins aux questions Non. existentielles, enfin importantes de la série. Et là, je trouve que ça va aller trop vite si c'est ça. Enfin, à voir, hein, mais on verra. À voir, comme tu dis. Comme tu dis. En tout cas, merci à vous trois pour cet épisode 6. J'avais tablé sur 1 heure, en fait, on espère que sur 2 heures. Comme quoi, cette série fait beaucoup parler. Elle est passionnante. Je pense que. Comment? Elle est passionnante. J'avais. Elle est passionnante, voilà. Elle est passionnante et c'est un débat de passionnés. Comment je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Il y en a un troisième du coup, donc je vous attends pour le troisième quand même, hein, Laurent, Alexandra et Cédric. Oui. Si bien sûr Cédric tu es disponible, je sais que ton agenda est très chargé. Normalement on a Danae, donc la semaine prochaine il y a le 5, dans deux semaines la 6, et bah pourquoi pas le refaire le samedi d'après. Je vous enverrai un message pour vous proposer. Il y a, normalement il y aura Danae logiquement. Oh. Il y aura logiquement Danae qui pourra peut-être plus nous éclairer sur la méthodologie égyptienne, parce que c'est son truc. Sachant qu'elle m'a repris deux fois là sur Instagram. Alors Danae, merci. Apparemment, on a dit deux trucs qui étaient pas assez précis. Alors, c'était vrai, mais c'était pas assez précis. Du coup, elle me fait oui, t'aurais pu préciser ça. Je suis pas spécialiste. En tout cas, je vous invite à voir ces deux vidéos sur YouTube. Elle a fait deux vidéos. Une vidéo sur l'Énéade, la différence entre l'Énéade suivant la mythologie égyptienne et le MCU. Alors, c'est Imaginaire Street, sa vidéo. Voilà. D'accord. Et elle a fait une vidéo sur Khonshu. Ouais, Imaginaire Street. Et sur Khonshu, où elle explique le Khonshu de l'Égypte, de la mythologie égyptienne, et le Khonshu du MCU. De toute façon, vous tapez Imaginaire Street et vous allez tomber sur ces vidéos. Elles sont excellentes, excellentes. Et puis, elle en fait d'autres sur les Éternels aussi, qui représentent soit un dieu maya, par exemple, etc. C'est plutôt pas mal. C'est son truc. Et elle devait venir, mais là, elle ne peut pas. Elle m'a prévenu au dernier moment, mais... Voilà, c'est des raisons qui sont personnelles, mais elle m'a dit qu'elle viendrait au troisième. Elle m'a dit qu'elle viendrait au troisième sans difficulté, normalement. Donc, j'attends votre présence, bien entendu, pour ce troisième et dernier podcast consacré à Moon Knight, où peut-être qu'on aura toutes les réponses, Cédric. Ouais, et si je peux compléter par rapport à Danae, justement, elle pourra plus nous dire si la série respecte la mythologie ou pas. Oui, c'est vrai. Super important. Bon, déjà, non, parce que quand tu vas voir ces vidéos sur l'Énéade. Clairement, mais c'est vraiment bien, parce que c'est là, on en parlait avec Laurent, c'est avec Laurent qu'on en parlait sur Marvel qui est très attaché à la mythologie, notamment nordique, on avait vu ça, avec Thor, Loki, Asgard, etc. Et romaine, puisque dans Love and Thunder, le prochain Thor, nous verrons le Panthéon avec Zeus, notamment. Avec le panthéon grec, voilà. Je vous remercie en tout cas. On se redit dans trois semaines du coup, si ça vous convient. Ça laisse le temps de regarder tranquillement les deux prochains épisodes. Je sais pas. Petite question, Laurent, est-ce que tu vas voir Doctor Strange 2? Mais bien sûr. Ah oui. Oui. Bon. C'est moi, j'ai beaucoup Doctor Strange. Ah bah oui, ça c'est un des meilleurs personnages. Tu as tout à fait raison. Cédric, tu vas aller voir ou pas, à tout hasard? Moi, je rattrape déjà mon retard sur Marvel et après on verra. D'accord. Alexandra, oui, tu vas le voir avec moi, toi, je pense. Je pense que j'irai même le voir avec mon frère. Il y a moyen. Il y a moyen, comme tu dis. Oui, c'est sûr. On ira chez les parents, on fera garder les enfants. Super. Voilà, en tout cas... Cédric, juste pour information pour les gens qui souhaiteraient retrouver Cédric, c'est Cédrims, il a un compte Instagram, je vais le mettre en lien, bien entendu. Qu'as-tu prévu sur ton compte Instagram justement, Cédric? C'est ton petit moment de pub, autopromo. En ce moment, c'est beaucoup de stories avec le Song Challenge, donc les musiques Disney. On fait une battle en fait tous les soirs, 5 jours sur 7, hein, du lundi au vendredi. Voilà, la photo du soir. Également Disney et vous, donc c'est je partage des photos des fans Disney qui sont sur le parc à un moment d'émotion. Voilà, en attendant des nouvelles publications avec mon retour sur le parc sans doute cet été. Voilà. Alors, bon. Alors Laurent, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Cédric revient sur le parc, faut le tapis rouge. Hein, parce que c'est la star. C'est la star. C'est la star. C'est la star. Comment. C'est vrai que c'est la star. Et Laurent, il faut savoir, c'est que depuis que Laurent est passé sur le podcast, eh bien, il a pu remettre des superbes vidéos en ligne, notamment en 4K, le Disney Delight. Oui, Et on a perdu Laurent. je m'attendais pas à ce que Bon, on a tu pas en perdu Laurent. parles. Non, mais si, Voilà, eh ben, écoute, tu as été voir Cédric ou pas le 4K? Franchement, ça claque. Hein. il faut savoir que je regarde à peu près entre 6 et 7 vidéos par jour de ce qui se passe à Disneyland Paris, donc ça m'intéresse De beaucoup. cinématiques DLP? Putain, la vache, mais il n'en a pas tant que ça non plus. Hein. Non, non. Non, C'est toi. sans doute que j'ai regardé une de Alors ces vidéos sans savoir que c'était voilà. toi, Laurent. Une vidéo que j'ai validée personnellement, c'est qu'il a testé le petit Laurent, le Captain Jack, qui est pour moi le meilleur Ah restaurant de oui, DLP. waouh. J'ai kiffé, Est-ce que tu as balancé c'était du. Est-ce vraiment que tu as bon. balancé. Ah, c'est vraiment. Faut aimer le poisson et la volaille. Voilà. Voilà, on va pas lancer le sujet, Voilà. voilà. Voilà. Oui, Mais je vous conseille le plat, le poisson, c'est le mémé, je crois. Le maïmé. Je sais plus si c'était. Mais c'est en tout cas, je ça. vous conseille la soupe de poisson. Et le La soupe de colombo de poisson aussi, elle poulet est bonne. avec les crevettes. Ouais. Hein. Voilà. Ah, Et surtout, ne lancez pas du pain sur les barques, hein, s'il vous plaît, pendant que les bateaux passent. C'est c'est interdit. bon. Parce Oui, qu'il y en a qui le font. Ah, c'est bon. il y en a qui le font. Bah, il y en a qui le font, eux. Tant qu'ils ne balancent pas les couverts, ça va. Mais Ouais. donc voilà. En tout cas, voilà. En tout cas, moi, j'avais vu des vidéos sur le Disney Delight. Tu sais, des gens qui filmaient avec leur téléphone. Mais ta vidéo que tu as sortie, je crois que tu l'as sortie il y a 3-4 jours. Mais Ouais, c'est ta ça. vidéo en 4K, là, ça a donné un. Bravo. Voilà. En tout cas, Bah, merci, merci. Laurent. Merci, Alexandra. Aussi, on se dit à dans 3 semaines. Cédric, peut-être, si jamais tu es dispo, bien entendu. Ça ferait plaisir d'être avec toi. Vous aurez les liens pour Cédrims sur Instagram, en bas de la description du podcast. Et enfin, j'ai une dernière question. Que sont devenues tes petites interviews que tu faisais avec des fans Disney? Ça va bien très prochainement. D'accord. À C'est-à-dire, regarder absolument. ça revient très prochainement depuis Noël. En fait, chaque mois, ça revient très prochainement. C'est Je voilà. l'espère au plus vite parce que moi, j'adore la magie Disney. J'adore encore plus la magie Disney au travers des fans Disney. Voilà. Ah ben, alors, au travers de Laurent en 4K, ça donne. Je profite. Voilà. Ouais. C'est sympa comme En tout cas, concept. merci à vous trois. De quoi, oui. Non, mais c'est pas mal parce qu'en fait. Comment Cédric, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va contacter un fan Disneyland ou Disney sur Instagram et puis il fait un petit live pendant une demi-heure. C'est plutôt pas mal. Enfin, moi, je Oui, sais que c'est vraiment j'ai eu sympa. l'occasion. Ah oui, et t'as gardé les vidéos quand même sur Instagram. Ils sont toujours en replay, ouais. Ils sont toujours en replay, ouais. Et je Ben, sais que moi, j'irai j'étais voir. invité et c'était un très bon moment que j'avais passé avec toi. Et puis, ça permettait. De connaître en fait ça permet de connaître bah, le youtubeur ou l'instagrammeur parce que ça peut être un peu Simplement le tout. fan Disney, en fait. J'aime Ouais, c'est ça. Hein. chaque personne par rapport à Disney. On est tous fans Disney ou Marvel ou Star Wars ou Tu sais autre. quoi, Cédric? Invite Laurent. Invite Laurent. Carrément, Non mais carrément. invite Laurent. Invite Laurent. Invite Carrément. Laurent. Avec plaisir. Invite Laurent. Bah, Voilà. demain. Merci. Merci En tout cas, merci encore une fois. On se dit à dans 3 semaines à peu près pour la dernière partie sur Moon Knight. Après, nous verrons ce que nous ferons. En tout cas, pour cette troisième partie, merci Laurent, merci Alexandra, merci Cédric. Et je vous dis à bientôt pour l'épisode 7. Au revoir.